Salut et bienvenue les rôlistes, bienvenue sur la petite Pogidée. Alors je suis vraiment désolé, on a des petits soucis de layout. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a une personne qui manque. Elle est là, mais vous la verrez pas parce qu'on a un C'est problème pas moi. de caméra. On ne sait pas pourquoi, on a essayé dans tous les sens, mais rien n'y fait. Il ne veut pas. Il ne veut pas fonctionner. On fera ça. En tout cas, salut tout le monde. Salut Gali. Salut Alf. Alors Morodashi. Alors Exactement. j'ai Morodashi Taishu ou Morodashi suffit. Bah après, je peux tout dire hein, si vous voulez. Il y a pas de problème. Hein. En tout cas, bienvenue à vous sur le live qui va commencer pour le coup. Voilà, d'habitude, on prend le temps un petit peu de faire les choses et puis, mais là, bon, on va essayer d'enchaîner assez vite. Alors, est-ce que ça va? Alors, vu que j'ai aucun retour niveau son, est-ce que ça va au niveau des volumes, que ce soit la musique, ma voix, est-ce que c'est ça va. Salut Elbrout, comment vas-tu? N'hésitez pas à me faire des retours parce que j'ai aucune idée. Le son a l'air bien, oui. D'accord. Donc la musique est pas trop forte et moi vous m'entendez. Allez-y les gens, parlez aussi. Test 1, test 2, Je testicule. suis. Ah! Ah, Mince. mince. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Mais Je parle juste. pourquoi on te voit pas d'ailleurs, Gassard? Là, je vois un écran vide. Enfin, je te vois toi, mais enfin, je vois quelque chose, mais. Attends, je. Attends. Bah, ah non, mais bah, alors, ah ok, d'accord. Alors c'est sur Non, je voyais très GridFam. bien, Gassard. Non, en fait, sur le retour de OBS, je te vois. Mais sur GridFam, je te vois pas. Alors, moi je le vois et sur le stream on le voit, donc Ouais, non, mais tout va bien. tant qu'on le voit sur le stream, c'est le plus important. Moi, en fait, en gros, Oui, tu me regardes. j'ai la pièce, mais tu n'es pas présent. J'ai la pièce, mais tu n'es pas là. Mais Voilà. comment? C'est Bah, en l'homme fait, invisible. je pense que sur GridFam, pour moi, la caméra a freeze. Et qu'elle a freeze à un moment où il n'était pas là, où il a dû se pencher pour faire quelque chose, et du coup, je l'ai pas. Mais Sable et j'ai remis ma cam parce qu'elle était buggée sur le stream. J'avais. Ouais, bah du coup, bah, moi, elle est restée en mode buggée, en fait. Ah. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, t'inquiète. C'est tant pis. C'est Je sais que tu peut-être. seras là. Au pire, vous me verrez peut-être tourner un petit peu la tête de temps en temps vers là pour le regarder, genre, écoute, voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu y vas bien? Oui, ça va. Emilio, comment te sens-tu? Je vais pas bien, moi. On me voit dans un taxidermiste là. Alors, bah écoutez, dans ce cas-là, on va peut-être pouvoir commencer. C'est l'heure à peu près, 21h30, généralement, c'est l'heure où vraiment tout commence. Non, mais tu te biles pas, hein. Franchement, c'est que moi. Hein. Non, mais je suis passé sur le wifi là. D'accord. Ça vient que de moi. Et je sais que t'es là, au pire. Voilà. N'oublie pas les jets de chance. Oui, je n'oublierai pas les jets de chance. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, J'ai oublié on va les faire maintenant. Est-ce que vous êtes tous connectés? Je m'inquiète sur Oui. Fantasy Ground. Tout le monde est là? Oui. Ok. Oui. Ouais. Ouais, tu vois, en fait, c'est le spectre de Gassar, voilà, que l'on voit, ça fait peur. En fait, il est Putain, déjà c'est toulouesque, l'inspecteur. Gassar, tu vois. Et d'ailleurs, il y en a un qu'on ne voit pas, voilà, qui est Mais tant mieux Oxyde, pour vous. mais qui est en mode spectral avec Nelson. Bon, désolé, c'est un peu bricolé parce que bah, c'est un truc un peu de dernière minute. On essaiera de voir pourquoi ça a merdé. Je sais pas, ça a décidé comme ça, c'est tout. Sinon, au pire, je demanderai à Kiel, c'est la professionnelle Parce que de j'ai le GitHub. virus. Ah, tu as le coronavirus! Ah non! Ouais. Salut la quarantaine, Magister, je suis en quarantaine. Comment ça va? Voilà. Salut Mado. Si Oxide a le coronavirus sur son PC, alors là, merde, on est mal barré. Je pense qu'on va couper le live, sinon tous nos PC vont avoir le coronavirus. J'irai voir le docteur Norton. Norton antivirus, il va vite me... Bah ça va et toi? Alors, on a vos douces et chaleureuses voix, c'est déjà beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Comme tu n'es pas joueur, tu n'auras pas de bonus. Oui, tu as un bonus de viewer, c'est-à-dire merci beaucoup. Il y a des points de Twitch. C'est vrai, il y a des points de Twitch où que je sais ouais. pas vraiment à quoi ça sert, à part à peut-être mettre ton ouais, non, ça sert à mettre des messages. Ton message en surbrillance, peut-être débloquer choper des émoticônes. Des emotes. En vrai, c'est pas très utile. Mais en vrai, du coup, tu y as le droit. C'est bon, ça. Bah, on va plus prendre l'Orient Express, on va prendre le train de live, c'est ça. Hein. Ouais, voilà, le train de live, c'est parti. Non, et en plus, j'avoue que j'ai pas pris le temps de rajouter des emotes, mais je le ferai parce que j'en ai quelques-uns sur Discord que je vais essayer de rapatrier là-dedans sur le serveur Discord. Donc, pour ceux qui n'y sont pas, n'hésitez pas à venir d'ailleurs. Hein. On y est bien, les gens sont sympas, on passe du bon temps. Voilà. Alors, mes amis, nous allons pouvoir maintenant jeter vos jets de chance pour savoir si vous en avez ou pas. Alors moi, j'ai à dire, je me retrouve avec 3 de chance. Je sais pas si c'est normal. Alors, pas du tout. C'est pas normal. Alors, je ne sais pas pourquoi tu aurais 3 de chance, qui est quand même assez... Je me rappelle pas d'avoir dépensé autant de points de chance. Non, moi non plus. Mais le problème, c'est que j'aurais aucune idée de ce que tu avais avant. Donc, c'est assez problématique. Bon, attends, je pense un descend déjà. On s'en fout, j'ai 85, je pense que j'ai pas 85 de chance. Non, il y a des chances que tu n'aies pas 85. Yes, j'ai réussi là où il fallait pas. Ouais, moi aussi. Toujours la joie. Pour l'instant, vous êtes deux, que ce soit Nelson et Peter, vous avez tous les deux échoué, donc réussi. Donc, oh, bravo à toi, Nelson, 7. Merci, monseigneur, merci, mon monseigneur. 3. Et 3, voilà, c'est la chance que tu as actuellement à dire 3. Ouais, bah... Tu passes à 6, c'est pas mal. 6, ah, je suis tellement heureux. Dites 33. 33. Eh bien, alors écoute... attends, je vais voir au dernier épisode, on avait fait le jeu de chance au début de partie. Oh carré, franchement, c'est du bricolage ce soir. Là, on est en mode, vous avez exactement tout ce c'est qui peut se passer du dans grenier. Un live. C'est une vraie partie de jeu de rôle. Un joueur qui n'a plus de webcam. Un deuxième qui pour moi a frisé mais pas pour vous. Un autre qui a perdu tous ses points de chance. Salut Barjou et bienvenue sur le petit pause. Merci à toi pour le follow. C'est un coup des Illuminati. Ouais, mais honnêtement, je pense que c'est le coronavirus. Mais parce que pour moi aussi, t'as frise, donc on va essayer de faire ça comme ça. Ouais, nous avons tous les deux frise alors. Je sais pas si je fais un refresh, qu'est-ce qui se passe? Oh, Oxide! Oxide! T'es là? Mais il est là! Mais je me vois pas. Fallait juste que je parte, hein, c'est ça! Ah bah ouais, je suis là! Ah mais t'es derrière Xen! derrière Gazard, pardon. Attendez les gens, mais... mais en fait, il était derrière tout ce temps! J'étais ninja, tu vois, je suis habillé en noir et tout. Mais non! Et gars, et là il va... Il était là depuis le début. C'est on beau, a passé une demi-heure Attends! À la scred! Ah non, ou alors! Moi, je me vois pas. Ou alors, attends, mais me dis pas que. Me dis pas que. Parce que normalement, je peux avoir plus de personnes, mais me dis pas que. Genre, ça. Ça. Ça sautait. On a perdu. T'aurais pas de l'avantage? J'aurais perdu mais la possibilité d'avoir plus de personnes. C'est bizarre. Et contacte le mec, c'est pas normal. Pied bouche. Faut frapper. Ah oui, parce que là du allô coup. Allô. Non mais... Oh là là, là c'est... Catastrophe. Je pense que c'est ça à Gossen. Hein. Je pense en fait tu vas pas avoir le privilège que t'as d'habitude d'avoir droit à 5 personnes et... Ouais, on est au mois de mars et puis voilà, on s'est sauté. Alors attendez, je vais faire un truc complètement dingue. Putain merde. Attention, un truc complètement dingue. Là c'est 51. C'est le live de la folie pure, ok? On y va. Hein. Tous un jet de sade. Regardez, là ça part, vous avez l'envers du décor. Vous avez l'envers du décor là, en exclusivité. Vous avez ce que nous on voit quand avec donc Grenadine juste ici, hein, parce que je peux le faire comme ça. Quand on joue le lundi, on joue comme ça. Je suis sur mon joueur. Voilà, hein, tu vois. En plus, voilà, c'est bien efflux et c'est torique. Donc on est raccord. Donc, voilà, et puis moi je suis le MJ. Voilà, tu es MJ. C'est tous morts. La fantôme. Alors attends. Ceux qui ne le voient pas en live. Select image. Ce que tu nous as montré, Gossed, il ne le voient pas en live. De quoi? Ouais, ils sont encore sur le. Ils sont encore sur le truc aux ânes. Ah bon? Ouais, bah ouais, ils ont rien vu. Ah oh, mince! Ils ont pas capté la joke. Non, bon bah désolé. Ah mais attends, mais comment ça se fait qu'ils ont rien vu? Parce que en fait vous allez voir. C'est ça. En fait comment ça se fait que tu fais des modifications qui ne voient pas si c'est lié à OBS? Parce que je pense que l'URL est différente. C'est à n'y rien comprendre. Est-ce que ouais. Je peux m'absenter un petit peu? Ça vous dérange pas? Je pense que... Vas-y. Voilà. Je l'autorise pour le MJ, vas-y. Je reviens rapidement. L'URL est différente. Non, ça veut... mais c'est un truc de malade mental, sérieux. Mais essaye plutôt de contacter Viteuf, là. T'envoies un petit message en scred au mec, là. Et tu lui dis que t'as perdu ton avantage et que t'aimerais le récupérer. Alors... En plus, à qui elle est en live, donc je vais pas pouvoir. Attends, alors Gridfam, ils sont où et... Je les ai mis où, Gridfam? C'est trop mignon. Oh. C'est le live du grand n'importe quoi en fait. Magister. C'est le live du grand n'importe quoi. Alors Gridfam. Joey. Ouais, mais. Non, mais. On va investir pour se retrouver comme Roll and Play, et puis voilà. C'est un plus simple. En plus il faut que je le fasse en anglais. Moi, j'ai toujours préféré, hein. Bon, attendons, on va faire petite FAQ. Alors, posez vos questions. Première question de Magister Fantôme, ça va et vous? Alors, c'est une question complexe quand même d'abord. Assez complexe à répondre, j'avoue. Est-ce que ça va dans l'instant présent ou est-ce que ça va dans le général? C'est ça le truc. Pas la même chose. Instant T précis de ma vie. Est-ce que ça va de manière générale? Mais vous, mais pourquoi vous rire d'abord? Allons chercher le rire par Bergson, voir ce qu'il en pense. Non, il est chiant. La lecture philosophique en stream. Et on va perdre tout le monde. Parce qu'en plus, il faut que je le fasse en anglais. C'est chiant, c'est que c'est un philosophe, quoi. Vas-y, passe en anglais. Fais pas gaffe à nous qui disons des conneries pour faire vivre ce stream pas du tout en retard. Mais du coup, non, mais personne, en vrai, c'est sympa. Quoi. On va commencer à voilà, minuit, le parler sera réglé. C'est-à-dire que son ouvrage, c'est des gros pavés. Et surtout, les philosophes sont géniaux, c'est que quand ils évoquent d'autres philosophes, ils expliquent jamais. Ils sont juste en mode, ouais, il a dit ça, enfin, il dit juste comme telle personne, et puis après, c'est à toi de démerder, faut que tu lises tout le reste. Et... Mmh. Ouais, faut que tu lises sous ton aimant. Mais c'est bien. T'inquiète pas, hein, j'ai... En gros, il pisse dans la cruche et qui va la sauver. Personne, je sais pas, j'aime pas la paix. Oui, bah ça. Du coup, il est parti. Juste pour ça y est, je viens d'avoir quelqu'un en ligne. Ah. Et ça, il faut que je le fasse en anglais, tu vois, alors que je suis pas. C'est fou quand même parce qu'il répond super rapidement. En fait, je sais que Akiel, elle a sympathisé avec les gens de Grid Fam et ils sont vraiment cool et ils suivent ses streams pour lui faire pour voir si jamais il y a un souci qu'il puisse réagir en temps réel, tu vois. Après, je sais que le fait de demander des avantages. Ils l'ont écrit sur leur site, la dernière fois je traînais sur GitFam pour la session où t'étais pas là. Et donc, tu vois, même si c'est toi qui contacte directement et pas Akiel, je pense que tu peux quand même y arriver. Alors, c'est... Sachant que tu l'avais déjà eu, donc ton pseudo doit vivement leur rappeler quelque chose. Sinon, on se cotise pour que tu payes la bourre et voilà. En fait, c'est une fonction qui, en fait, c'est un compte premium. Ça n'existe pas encore, donc c'est du bêta. Et attends, là. Ah, d'accord, donc tu bêta test. Ça marche plutôt bien. Bien d'être bêta testeur. Moi, j'ai bêta testé des médicaments. Moi, j'ai binge-watché pendant les problèmes du coronavirus. J'ai pu voir toute la série The Witcher. J'ai bien aimé. Mais les problèmes. L'Axen sur le live, t'es en mode catastrophe. En mode mosaïque. Ouais. En mode puzzle. Ah oui, ah oui, c'est magnifique. Sur le live. Je te fais un rendu en direct si tu veux. Ouais, je peux aller le voir aussi. Eh, mais il neige chez toi? Ah, yo. Oui, je peux aller voir aussi, mais ça va, on fait un peu de partage, on fait un peu de vraie table, un peu. Mais on peut démarrer, sinon. Tu remets Gassar, lui il est en mode puzzle, et puis moi je suis en mode avatar. Je crois en Sophie. Parce qu'Aaron a tout compris. C'est le meilleur truc. De toute façon, j'ai l'impression que ce soir, Gassar, ta webcam a du mal. Je te vois très. Ah bon ? Augmenté. Je lui ai envoyé un screen de ce qui se passe. Alors, je suis vraiment désolé, les gens. Honnêtement, c'était pas prévu. Là, vous avez. En fait, en même temps que je vous parle, je suis en train de voir si la maintenance ne peut pas nous aider. c'est surréaliste. Mais Gossad repart avec la cam de Gassar, moi tu laisses mon avatar et puis basta. Non mais attends, il est en train de me répondre, il est en train de regarder a priori, donc on va voir. Hein. Mais vous avez pas envie de me voir, c'est bon, dites-le. Compris. Oui, c'est vrai que bah, c'est le moment peut-être... En fait, là je pense que ce qui serait sympa à faire... C'est résumer un peu ce qui s'est passé à l'épisode précédent. Ça fait quand même 3 semaines qu'on n'a pas joué. Peut-être que les gens ont besoin d'un petit refresh. Et qui donc de mieux que notre scribe professionnel qui va nous résumer ça pendant que j'essaie de... So you still can have more than 3, but you can see one of them. C'est ça, yes. Gossette. Oui. Gossette. Oui. Nos webcams sont par-dessus les layouts. Je te le dis. Oui, oui. Ah putain, mes oreilles! Parfait. J'ai trop fait ça. Maintenant, on peut écouter Xen. Bah, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Il ne s'est rien passé. Oh là là. Techniquement. On était allé voir un taxidermiste, il allait prendre un café en face. Alors, la dernière partie date du 22 février. Et on est allé voir une amie de Catherine au tout début, qui s'appelle Ama Bistine, je sais plus quoi, une chef d'un culte, d'un club d'occultistes plutôt. Donc qui nous a fait tirage de cartes et tout ça, et qui a un peu sympathisé avec Nelson, avec ils ont bien aimé la compagnie de celui-ci. Et on est parti rapidement de Paris, pour nous diriger directement à Lausanne, prochaine destination Lausanne. Entre temps, on a trouvé une chanteuse d'opéra qui s'appelle Madame Katrina Cavada. Cabonara ? Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. C'est Katrina quelque chose, qui était une diva milanaise, arabe, je crois. On dit pas un ténor, on dit une diva, c'est ça ? C'est une diva. C'est une diva, oui. Diva milanaise. Et elle nous a fait des dons de place pour Milan, parce que apparemment Catherine a bien sympathisé avec elle. Ah alors oui, elle nous avait cantaté dans le train, ça nous avait modifié, ça nous avait donné beaucoup de bonus aussi. Et Emilio a essayé quelques tentatives, mais d'après mes souvenirs, c'était pas trop. Enfin, il a juste parlé, quoi. Et il a parlé en italien. On est allé dans nos compartiments, tout simplement, et on arrive mercredi soir à. Non, mercredi soir, il se passe des trucs. Moi, il s'est passé des trucs dans mon sommeil. Et ensuite, on arrive à Lausanne. Et on s'est dit, maintenant on va s'arrêter ici et on va rencontrer ce fameux Wellington qui habite à Lausanne. On a pris une chambre d'hôtel près de la gare. Le chat avait décidé, je me souviens. Et pour le coup, on est allé le voir et on a vu que c'était un taxidermiste et que son magasin était fermé. Enfin, on n'a pas voulu faire une effraction, on aurait bien voulu, mais apparemment, c'était pas nos méthodes. Moi, je suis d'accord, on aurait fait juste un petit tour, ça aurait été. Mais on a juste attendu, comme des gens civilisés, on a attendu que la personne se pointe. Et que fut pas notre plaisir de le voir arriver, je sais plus s'il repartait ou s'il arrivait, je crois qu'il repartait. Et du coup, on l'a un peu alpagué et on lui a expliqué la situation. Au tout début, il voulait faire l'innocent, mais tout de suite, on lui a parlé de la famille de Lorien, qui habite à Poissy, avec un certain artefact de Snefkar. Tout de suite, il nous a ouvert la porte de son entreprise. Et on s'est arrêté là. Donc c'est un homme grand, fin, avec des cheveux courts, c'est tout ce que j'avais marqué sur lui. Et en ce moment, à Lausanne, il y a les traités pour la dissolution de l'Empire ottoman. Ouais, ils se répartissent le territoire turc. Ouais, ça date depuis un certain temps, donc Désolé, hein, j'écris en même temps. Voilà, moi j'ai fait le tour. Ensuite, moi, j'ai réussi tous mes jets. Je suis bon pour écouter les gens. C'est pas mal. Voilà, c'est tout. Non, mais on avait tenté... on avait eu plusieurs intentions. C'était de fracturer la porte du taxidermiste. Non, on aurait tout. Après, on a voulu aller dans le café, gueuler à tue-tête. Il est où, le taxidermiste? Ensuite, on a réussi à... Je sais qu'on a voulu faire plein de conneries, mais on n'a rien fait, on était resté sage, bizarrement. On a demandé qui habitait là, et puis en fait, on a eu comme réponse. C'est un taxidermiste, hein. Il ne me connaissait pas vraiment. Oh là. En plus, j'essaye d'être... Désolé, j'essaye d'être assez compréhensible en... compréhensif... Ah non, compréhensible en anglais. Cela. En tout cas... bon résumé. J'ai pas du tout écouté, mais c'était un très bon résumé. Ah. Je le refasse encore. Non, ça ira très bien. Heureusement pour moi, je connais un petit peu ce que vous avez fait... Ah bon, t'étais là? J'étais... J'étais disappeared, tu vois, j'étais caché quelque part. du coup, là, en fait, vous êtes donc avec notre ami Edgar Wellington. Vous êtes rentré dans la boutique. Et je pars d'où je suis. Ok. Eh bien, dommage. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée à toi, en tout cas, Morodashi. Du coup, vous êtes rentré avec lui. Vous lui avez parlé rapido du fait que vous recherchiez vous aussi le simulacre de Sedefkar. Tout à fait. Du coup, alors, je vais tenter un truc complètement cinglé. Je vais refresh Gridfam. Pour vous, ça va être une catastrophe. Mais non, quand t'es déjà parti, il restait les joueurs. T'inquiète pas. Hop. Voilà. Alors on le voit toujours pas, donc bon, ça ne fonctionne pas. Pense à mute ton micro, non ? Sur GitFam, hein. Ouais, non, mais je l'avais fait, mais je sais pas, il a pas, ah, d'accord. Pas voulu. Ah, je sais pas, je t'avais eu en double. Oui, oui, oui, non, mais je l'ai vu. J'étais en double, effectivement. Mais j'avais appuyé, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'essaye de me reconcentrer parce que du coup, ça m'a un petit peu, perturbé. Est-ce que tu es là, Gassar? Oui. Parce qu'on te voit pas. Non, mais je vais me reconnecter, justement. Ah, tu vas te reconnecter. D'ailleurs, Gossed, bah, sur le stream, on voit l'image de Nelson par-dessus la webcam d'Oxide. Ah, oui. Alors, du coup, faut que je l'enlève. C'est vrai. Nelson. Voilà, maintenant, vous voyez Nelson. Oh, merde, il me voyait. Ah, oh, mais j'étais encore en ninja. Fais chier. Oups. T'es sûr que tu feras pas de montage sur celle-là, Gossed? Non, non, non, c'est pas grave, honnêtement. Mais t'as pas encore mis le générique, non? Ah ouais, j'ai pas mis. Voilà, donc tout ce qui est avant le générique. Youp, ça compte pas. Bon, allez, générique. Attends, je colle. Et on commence la session au générique. J'ai mute mon micro. Mais moi, j'entends pas de déco te concernant, mais. M'accepte dans le col, donc, s'il te plaît. Cette fois-ci, on va essayer. Même si, en même temps, vous allez me voir tourner un petit peu la tête parce que j'ai le gars de Gridfam qui est là, donc j'essaie de tout faire en même temps. J'avoue que ça va être une séance assez particulière. Je vais essayer de rester quand même concentré un maximum. Sachant que vous ne voyez absolument pas Gassar, et nous non plus, donc comme ça, il n'y a pas de jaloux. Mais moi non plus, je vous vois pas. Hein. Voilà. Ah mais oui, tu ne vois même pas toi non plus? Bah, je colle là. Ah, attends. Enfin. J'ai des trucs là. Ah non, mais tu vois, ça prend pas en compte. Non, bah écoute, tu vas faire ça à la voix, hein. On va faire ça sans, malheureusement. Alors, ultimement, je suis désolé, ultimement, tu remets mon avatar. C'est ça reviendra au même que toi ou lui. Au final, c'est la même chose. Pas... Donc, voilà. Il y a eu le générique, faut commencer. Voilà, le générique a commencé. Maintenant, allons-y. J'essaie de me plonger dans le truc à nouveau. Et je vais mettre une musique d'ambiance qui va bien. Hop. Voilà. Donc, vous avez réussi à tomber sur le dos de Edgar Wellington, puisqu'il allait chercher ses clopinettes dans un tabac, et vous avez réussi à l'attraper au vol, et vous avez parlé légèrement du simulacre de Cédescar, ce qui a eu don de le mettre assez mal à l'aise. Et au début a essayé un petit peu de nier la chose, et quand vous lui avez fait part de cette lettre qu'il a envoyée à la famille Lorien, il n'a pas pu mentir plus que ça, et a fini par avouer qu'il cherchait également des informations sur le simulacre de CDPR. Donc, vous voilà, vous retournez vers la boutique. Et donc, dans cette de boutique de taxidermie, alors il me semble que vous étiez déjà rentré à l'intérieur. J'avais légèrement décrit un petit peu la boutique, mais je vais le refaire histoire de vous remettre un petit peu dans le bain. Donc, c'est une boutique de taxidermiste. Donc, c'est une ambiance assez glauque. Vous avez des animaux empaillés qui vous entourent de partout, que ce soit des têtes accrochées au mur ou des animaux de plus petite taille qui sont empaillés en entier, donc que ce soit des petits renards, des lapins. Et vous avez donc cette impression quand vous rentrez à l'intérieur que tous les animaux vous scrutent, vous regardent, ce qui a le don de vraiment avoir une ambiance oppressante. Vous êtes quand même pas, vous sentez pas super bien. Et de plus, l'odeur qui émane de ce magasin est vraiment immonde, puisque pour vous donner une idée, ce serait un mélange d'odeur d'hôpital et de chair un peu en décomposition. Et donc tout ça, vous le mixez ensemble et vous avez l'odeur qui vous arrive aux narines, donc c'est vraiment pas agréable. Et vous voyez qu'il vous emmène dans l'arrière de la boutique. Et au passage, vous croisez un homme qui est assez costaud physiquement. C'est une vraie armoire. Attendez, hop, j'essaie de me remettre. C'est une vraie armoire, seulement vous voyez que c'est, il a une gueule cassée complètement, parce que au niveau de sa tête, vous voyez qu'il a des grosses cicatrices. Il a des... comme si le haut de son crâne était déformé. Et que quand il vous regarde, en fait, il a une espèce de regard sans vie. Un peu genre... les yeux fixes. Vous voyez qu'il peut pas, ouais. Il peut pas bouger en fait. Genre, et en fait pour vous observer, vous voyez qu'il est obligé de tourner la tête. Mais il est vivant. Oui, il est vivant. Il est vivant. Et d'ailleurs, quand vous passez à côté de lui, vous voyez que donc Edgar vous dit voilà, c'est William, mon frère. Je sais que ça peut être impressionnant de le voir comme ça, mais voilà, nous avons fait la guerre tous les deux, la première guerre. Nous avons eu des séquelles, et malheureusement lui a pris plus cher que moi, et il a subi un obus qui a explosé juste à côté de lui, et provoquant des blessures qui sont aujourd'hui terribles pour lui, puisqu'il a perdu la parole. Ses yeux, les muscles de ses yeux ne fonctionnent plus. Et du coup, il est psychologiquement un peu plus entamé, on va dire. Mais vous voyez quand même que Edgar, même si physiquement il est, on va dire, il est, vous n'avez pas l'air de voir qu'il est atteint. Vous sentez quand même dans ses attitudes, dans sa façon d'être, que il y a eu des séquelles psychologiques qui sont là. Vous voyez de temps en temps qu'il a des petits spasmes, comme un grand stress. Et qu'il gère ça un peu par des tocs, on va dire, des mouvements incontrôlés, et qu'il a toujours tendance un petit peu à trembler. Et vous sentez que ces deux personnes ont quand même connu la violence de la guerre et qu'ils ont ça en eux, dans leurs attitudes. Donc vous voyez, donc du coup son crâne, et que sur sa tête, sur son crâne, à ce William, il y a des plaques en fer qui viennent remplacer en gros des morceaux de crâne qui ont été brisés, qui étaient perdus. Donc pour remplacer ces os du crâne, il y a des plaques en fer qui ont été vissées sur sa tête. Donc on peut pas dire que visuellement il soit très attractif pour vous. Hein, il a pas l'air chaleureux, hein. Voilà, hein, toi Catherine, on va dire que t'es quand même habitué à voir des hommes un peu plus charmants, et que de voir ce monsieur, t'es pas très à l'aise. Hein, ce qui vient se rajouter un peu au fait que la boutique. Mais si ça se trouve, il a un tour monté sur ressort sous la ceinture, hein. Blessure de guerre, je sais pas. Oui, mais bon, c'est pas trop le genre de choses que tu as envie de penser à ce moment-là. En tout cas, voilà, tu voyais quand même que William, il est un peu en mode pas zombie, mais presque, quoi. Tu vois, il est hyper docile, on va dire. Mais vous sentez que il peut péter un plomb à tout moment, et que si ce gars-là pète un plomb, vu la masse que c'est, vu le physique assez costaud qu'il est. T'as pas envie d'être la cible de ce type, voilà. Mais vous voyez quand même qu'il vous regarde de façon insistante, et que son regard vitreux vous incommode grandement. Voilà. Donc vous passez. Le truc, et puis vous emmène à l'étage. Donc vous abandonnez William et vous vous retrouvez tous ensemble à l'étage avec Edgar. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous abordez le truc? Est-ce que vous... Nous sommes venus... Je vais bien commencer la discussion. Allez-y, il n'y a pas de souci. On est venu pour faire examiner l'avant-bras. Non, non, on est venu pour des réponses. Pourquoi lui, il cherche le simulacre de CDFK, hein. Et comment il était au courant qu'il y en avait un en dessous de chez les Lorien? Je regarde juste un dernier truc. Ok. Je nous représente, si c'était pas déjà le cas. Et on lui dit qu'on est nous-mêmes à la recherche du simulacre de CDFCAR. Cette statuette ne vous est pas inconnue, j'ai l'impression. Alors, répète-moi juste l'interface, parce que j'ai eu le gars qui vient de me dire quelque chose. Je lui dis simplement, on est nous-mêmes à la recherche de l'artefact de CDFCAR. Et je sais que pour vous, ce n'est pas une statuette inconnue. Et j'aimerais savoir pourquoi un homme de Lausanne, un taxidermiste, s'amuse à chercher des morceaux de cet artefact. Eh bien, je dois dire que... Je m'intéresse à ce genre d'artefact. De par le parchemin que j'ai acquis, J'ai été très, comment dirais-je, ah, les mots me manquent, intrigué, comme aspiré dans l'envie de, d'en savoir plus. Et en même temps, on sent que, à travers ce parchemin, que cet artefact a un grand pouvoir. Et je suis, comment dirais-je, curieux et à la fois, comment dire ça, j'aurais envie de pouvoir tomber sur une telle, sur une telle chose. Donc il est vrai que j'ai consacré nombreuses années de ma vie à essayer de mettre la main dessus et ce doit être un artefact d'une grande valeur à la fois, donc qui ne n'essaierait pas d'essayer de trouver une telle chose. Ok, écoutez, Wellington, monsieur Wellington, nous ne cherchons pas à s'accaparer du pouvoir de la statuette. Nous cherchons simplement à réunir la totalité des morceaux dispersés aux quatre coins de l'Europe pour ensuite nous rendre à Constantinople, là où elle a été créée, pour la détruire. Ok, j'avoue que c'est surprenant. Pourquoi vouloir le détruire ? Si cet artefact a un si grand pouvoir, pourquoi ne pas essayer de le comprendre et de peut-être... C'est un pouvoir qui corrompt les gens, qui les rend malades. Au final. Bah, j'ai le bras corrompu. Oui, c'est vrai que toi, de ton côté... ça te démange énormément et d'ailleurs tu commences à voir des plaques de plus en plus rouges se former sur ton avant-bras. Écoutez, j'ai ce parchemin que j'ai obtenu pendant la guerre. Un certain Raoul Malon me l'a échangé contre des rations et des cigarettes. Il m'a assuré que je ne serais pas déçu et que alors attends. Il m'a assuré que je ne serais pas déçu et que, au pire, vu que c'est un vieux parchemin, je pourrais le revendre moyennant une belle somme d'argent. Du coup, je ne regrette pas, honnêtement. Est-ce que vous pouvez tous me faire, s'il vous plaît, un jet d'idées ? D'idée. Oui. Ouais, c'est intelligence. Un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Salut à Kinamna. Loupé. Alors, pour l'instant, nous avons. Moi, j'ai réussi. On a tous réussi, sauf Nelson. Ok, donc vous trois, sauf Nelson, qui est lui, on va dire, assez concentré sur tout ce qui s'est passé depuis dans la boutique. Il réfléchit un petit peu à cette guerre, qu'il a, même s'il n'a pas toujours été sur le front et tout ça, ça lui rappelle des choses. Guerre. Voilà. Ça fait plus de 30 ans, hein, ma guerre. Guerre, voilà. Attendez. Et vous rappelez que ce nom de famille, Malon, ça vous dit quelque chose ? Malon. Et à force de réfléchir, tous les trois, vous vous regardez, parce que À ce moment-là, Nelson regarde autre part. Louis Malon. Louis Malon, c'est ça. Louis Malon. Le jour où Fenalik a été arrêté chez lui, dans son manoir, la personne en charge de l'arrestation était une personne prénommée Louis Malon. Voilà. Donc, c'est pas le mec qui nous a. C'est pas le mec qui nous a. Emmené au sous-sol ? Non. Louis Malon était présent juste avant la Révolution française. Donc c'était un peu. Ah ouais. Ça c'est Mandrin ou un truc comme ça, je crois. Un truc comme ça. Ouais. Ah oui, tu comprends. Louis. Donc là, en fait, c'est Raoul Malon. Un descendant. Alors, Catherine, vu que tu as loupé un tout petit bout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Edgar a évoqué en fait la manière dont il a récupéré le parchemin. Et en fait, c'était pendant la première guerre, dans les tranchées, un certain Raoul Malon a échangé ce parchemin contre des rations et des cigarettes. Et prétextant qu'il pourrait en tirer une belle somme d'argent, peut-être une fois la guerre finie, s'il venait à le revendre. Que c'est un parchemin authentique datant de la Révolution française. Et du coup, ben voilà, vous savez que c'est un descendant probablement de Louis Malon qui a récupéré ce parchemin. Et il lui a dit d'ailleurs que c'était un parchemin qui se donnait dans la famille depuis des années. Et que bah aujourd'hui, il s'en sépare parce que ça lui est pas très utile. Et il vous dit d'ailleurs. J'ai décidé de le vendre. Et j'ai même un acheteur. C'est quoi, c'est ça ? Le parchemin ? Oui. Ah, je pensais que vous avez déjà vendu la statue, que vous n'avez pas... Non, je n'ai aucun morceau. Parce que vous en avez ? Vous avez trouvé quelque chose d'ailleurs chez les Loriens ? Il y avait quelque chose... Combien estimez-vous le prix de ce parchemin ? Écoutez, l'acheteur qui est intéressé est prêt pour l'instant à m'en donner 500 livres ? 500, c'est une grosse somme pour un simple bout de papier qui ne sera pas vraiment très authentique après que... C'est un bourgeois, lui estime qu'il est assez... Vous avez le nom de l'acheteur ? Ben, il doit venir justement, il va pas tarder à arriver. Écoutez, je pense savoir qui peut être l'acheteur, hein. Ce doit être un Turc j'imagine. Ah non, pas du tout, c'est un duc français. Un duc français ? Oui. Le duc des Essènes. Ça ne dit rien. Il parlait de Des Essaintes, pardon. Le duc des Essaintes. On avait parlé là. Est-ce que je peux regarder mes notes ? Je regarde ce que j'avais mis pour Fenalik. D'ailleurs, vous continuez à discuter, essayez de comprendre, et puis vous voyez la porte du magasin qui s'ouvre. Et vous entendez Edgar qui... Ah ben, cela doit être lui, venons, venez avec moi, allons en bas. Donc vous voyez qu'il descend les marches, je suppose que vous allez le suivre. Et vous voyez qu'il descend au niveau de la porte d'entrée. Quand vous arrivez en bas, vous voyez un homme élégant, habillé de manière très raffinée. On sent bien la noblesse de cet homme. C'est un homme, on va dire, de taille moyenne. Il est... c'est un bon vivant. Il est bien en... Il porte bien, voilà, on va dire ça. Hein, c'est pas, il est pas corpulent, mais il porte bien. Voilà, c'est un homme de, en bonne santé et qui a l'air d'être bon vivant. Une petite moustache assez courte et très, enfin pour l'époque, on va dire que c'était une moustache à la mode. Hein, une certaine personne l'a rendu impopulaire un peu plus tard. Hein, mais ça, c'est vous ne le savez pas encore. une personne avec des cheveux plutôt courts. Alors que quand il rentre, tout de suite, il vous voit tous arriver et d'une façon très élégante et avec un sourire plutôt, convivial, voilà. Mais bonjour, chère madame et messieurs. Comment allez-vous, mon cher Edgar Wellington? Eh bien, ça va. Et vous, monsieur le duc, j'espère que vous allez bien. Bien, ma foi, oui. Et en plus, aujourd'hui sera une très belle journée pour moi. Je n'attends que ça, de pouvoir enfin mettre la main sur ce magnifique parchemin. Et je me lève pour lui serrer la main. Hein. Eh bien, il te serre la main. Je vous dis, monsieur le comte, tout en anglais. C'est le duc. Ah, c'est le duc. Duc des Essintes. Excusez-moi, je ne suis pas présenté. Et vous êtes Lord Bessborough. Nelson Bessborough, c'est ça? Eh bien, monsieur Bessborough. Ravi de faire votre reconnaissance. Et vous, chère madame? Catherine Lamberston, eh bien, ravi de faire votre reconnaissance. Il se tourne vers toi, Peter. Monsieur Peter Franklin. Peter Franklin. Et monsieur Emilio Duranti. Ah, un Italien. Ravi de vous rencontrer, en tout cas... je suppose que vous devez peut-être des connaissances de Monsieur Wellington. Désolé de vous interrompre. Plutôt des acheteurs aussi. Ah, des acheteurs d'animaux. De parchemins, toujours. Ah, de parchemins. Ah. De bricoleurs. J'ai jamais entendu parler d'un duc en France, duc des Essintes. Je sais pas où c'est. Ça doit être bien situé, j'imagine. Oui, c'est un duché qui ne fait pas trop parler de lui, mais soit. Donc vous êtes intéressé par le parchemin. Vous êtes quand même déplacé en personne pour un simple parchemin en Suisse. Parchemin. Enfin, le parchemin, celui qui m'intéresse également. Vous êtes. Donc vous aussi en recherche d'artefacts parce que ce parchemin est de toute beauté. Je dois dire que si je pouvais faire son acquisition, je serais ravi de l'avoir dans ma collection. C'est une belle pièce. Dans votre collection. Oui, je collectionne les artefacts du monde entier. Et j'aime aussi à collectionner les parchemins. Et je dois dire que ce parchemin est vraiment très beau et que cela m'intéresserait de pouvoir l'acquérir assez rapidement pour pouvoir le présenter. Et vous, pourquoi chercher à le... Vous aussi, vous êtes collectionneur d'artefacts. On va dire plutôt... disons qu'on nous cherchons aussi des informations, peut-être dans ces documents Nous sommes toujours à la recherche un peu d'une certaine vérité, surtout sur ce qui s'est passé en la Révolution française. Et ce document a été volé justement par des personnes certains... comment il s'appelle déjà, Manon? Oui, c'est ça. Donc, vous avez l'air d'être plutôt bien renseigné sur l'histoire de ce parchemin. Je dois dire que j'ai affaire à des gens... une grande Disons connaissance, et ça pourrait être intéressant. Je doute qu'un duc se déplace par hasard en Suisse pour aller acheter juste un parchemin 500 livres. On va dire qu'on fait surtout un travail d'historien. Nous sommes des passionnés. Eh bien, je suis plutôt impressionné par vos connaissances, et ça me ravit de pouvoir converser avec vous à propos de tout ça. C'est ce document ? Ah oui. En tout cas, vous voyez qu'il tourne la tête vers Edgar. Et puis, pourrions-nous le voir, ce parchemin ? Parce que bon, je vous fais confiance. Vous m'avez présenté la chose de belle manière, mais je n'ai toujours pas pu mettre mes yeux sur l'objet, donc j'aimerais quand même pouvoir voir l'objet avant de vraiment faire ma dernière offre, si je puis dire, puisque maintenant il semblerait que d'autres personnes soient intéressées. Donc, du coup, Edgar se tourne vers le duc et... Écoutez, cher duc, je serais ravi de pouvoir vous satisfaire, mais... Comme vous pouvez imaginer, ce parchemin étant d'une grande valeur, je ne pouvais pas me permettre de le garder sur moi et du coup je l'ai déposé en leçure à la banque. Pour le coup, je pense que il serait une bonne idée de se retrouver ce soir dans le club de 19h30. Et ceci à 20h. Qu'en pensez-vous ? Mmh. Oui. Oui. Il se tourne vers le duc. Écoutez, soit, je comprends, et d'accord, je vous rejoindrai au club 19h30 à 20h. Très bien. Au club 19h30, 20h ? Oui, en gros, c'est un club qui s'appelle le 19h30. D'accord, ouais, parce le que club de 19... avait... En fait, c'est le club de 19h30, c'est son nom. En gros, Edgar, qui vous... enfin, pense... enfin, il devine que vous ne connaissez pas Lausanne, hein, vous dit que... Mais écoutez, c'est un groupe de discussions informelles qui se réunit parfois, du coup, dans ce café. Voilà. Donc, si vous voulez... Très bien, très bien. Nous allons nous retrouver là-bas ce soir. Et du coup, vous avez le... le duc qui vous regarde et est-ce que vous connaissez la ville? On a le plan de celle-ci. Est-ce que vous avez déjà visité? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de balader dans... Faites-nous visiter, monsieur le duc. Écoutez, ce serait avec plaisir si cela vous tente, bien évidemment. Je ne sais pas, Madame Amerston, seriez-vous enclin à suivre dans une visite? Vous allez tous me faire un jet d'idées. Encore une fois. J'ai plein d'idées. Oh là là, Emilio. Ben moi non, j'ai pas de chance. Moi, je suis sans cervelle. Mais qu'est-ce qu'il dit, là, monsieur? Et tout le monde est passé, là? Non. Tout le monde il est passé. Non, non, il manque Catherine, hein. Catherine. Ouais. Ah, on attend, on attend. Yep. Ouf, Catherine. Elle gère. Bah, encore une fois, Nelson, décidément, t'es pas dans ton assiette. Et peut-être que l'ambiance générale du magasin, plus se rappelle un petit peu à la première guerre qui a quand même. Qui est quand même plus de 30 ans que j'ai fait mon service. Voilà, mais ça te ramène à des souvenirs lointains, pas forcément de bons souvenirs pour le coup. Bah, du coup, t'es. Du coup, c'est t'es pas dedans quoi. Mais vous trois, par contre, hein, qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne quand vous regardez le duc, quelque chose qui vous titille, vous savez pas quoi. Mais plus vous le regardez, sa façon de parler, sa posture, son physique. Ça vous parle, il y a quelque chose qui vous parle. Et puis au bout, enfin, la discussion tourne. Et puis au moment justement où il vous propose de faire un tour en ville, ça y est. Ça vous rappelle quelqu'un. Une personne que vous n'avez pas vous réellement rencontré, mais que déjà entendu. D'autres personnes ont rencontré. Et ces personnes, vous avez lu leur histoire. Oh non. Cette personne ressemble étrangement, mais vraiment, mais ressemble, mais quasiment trait pour trait, dans son attitude, dans son physique, dans sa façon d'être, aux Français. Oh non. Voilà. Au français. Le français de Constantinople qui. Que. Oui. Oui, il y avait que moi et Oxide qui l'avaient rencontré. Voilà, Cassim Polat et. Barrington qui l'avaient rencontré. Mais comme on part dans l'idée que vous étiez en train de lire. Donc. Tous les quatre ce livre, enfin ce bouquin, oui, oui. Donc vous, même toi Peter, même toi Emilio, oui, oui. Vous avez rencontré le français indirectement via la lecture. Donc quand vous voyez ce duc des Essintes, sa posture, sa façon de parler, son physique, ça tilte direct. Le mec, ça, il ressemble trop. C'était quoi, c'était 1800 combien déjà que ça s'était 93. Passé 1893 à Constantinople. Oui, donc en soi, c'est pas en plus improbable, c'est juste qu'il devrait être plus vieux, quoi. Mais en fait, il ressemble trait pour trait à la même personne qu'en 1893, comme si le gars n'avait pas vieilli d'une journée, quoi. Je parlais en mute depuis tout à l'heure, oui, ah, d'accord. Voilà. Bon, en même temps, Nelson, toi, tu es ailleurs, donc c'est pas grave. C'est pas... Non, non, mais... Ah, oui, je oui, regarde oui. Les... Il y a mes lèvres qui bougeaient, il n'y avait pas de son. Mais ah. Merde, je deviens carpe. Mais voilà, c'est vous êtes troublé. Vous êtes vraiment, vraiment troublé par ce qui se passe. Du coup, bah, il sort du magasin. Et vous voyez qu'il y a une espèce de calèche qui l'attend dehors. Et il vous fait monter à l'intérieur. Alors je vais attendre que Xen revienne, parce qu'il est parti chercher un truc. Voilà. Encore désolé les gens, c'est vrai que là, tout ce qui s'est passé, ça m'a troublé un petit peu. Pause, du coup, on a une réponse pour la caméra manquante. Et ben, le gars me dit que... Je vais voir ça demain. Ça le paraît vraiment étrange. Il voit aucune erreur dans les logs. Il dit mais je peux voir que un de tes un des personnes est sur Mac. Oui, c'est moi. Que, pour le coup, je sais que nous avons des problèmes quand il y a des gens qui utilisent plusieurs ouais, c'est différent. Truc partie vidéo avec Windows, avec des utilisateurs de Windows et de Mac sur Chrome et Firefox. Ah, et bah visiblement c'est de ma faute. Mais je sais pas, t'étais déjà sur Mac quand on avait fait. Ouais, bah ouais. Alors attends, je vais dire. Et Xan est revenu d'ailleurs. Ouais, j'ai vu. I'm gonna have. Je vous l'ai fait en anglais. I'm gonna have a look. Qu'on lui jette des pierres. Qu'on lui jette des Mac. Qu'on lui jette plein de Mac. Ouais, j'ai pas le budget, after... moi. After. Ouais, ouais, ouais, pas de budget. Ouais, je vais me faire un DK, moi. Moi aussi, je jette des Mac, je me fais de l'eau. Hein. Bon, sinon, ce que vous faites, les gens. Dans le chat, vu que Oxy vient de s'absenter, vous faites des énormes dons pour que je m'achète un gros PC en plus du Mac. Comme ça, je ferai des streams avec. Voilà, n'hésitez pas à bourrer les dons. T'as qu'à faire un shadow. 100, voilà. 150, en gros, 200, c'est ça. C'est 500 euros, je prends. Apple, Mac, voilà. Ça fout la merde. On va être confiné en quarantaine. Faites des dons, vous n'avez plus besoin d'argent, vous sortez plus. Alors voilà, fais un jet de persuasion. C'est l'état qui paye de toute façon. Tu fais un jet de persuasion, s'il te plaît. Alors vas-y. Très bien. Alors attention, je vous dirai la vérité vraie s'il a réussi ou pas. Je ne serai pas corrompu par Grenadine. Alors j'aimerais bien, mais. Ah. Oh putain, non, mais j'ai pas beaucoup en persuasion, on fait chier. Ah mais non, allez, c'est trop tard, vas-y, fais-le. Tu feras peut-être un super jet. Moi, je dis du charme plutôt, non? Ah, est-ce que les gens, vous êtes d'accord j'ai sur charmé le... Charmé. Oh là là. Ça, c'est pas un échec critique. Donnez-moi du charme. Ah, ouais. C'est pas un échec critique, mais oui, on oui, c'est pas un échec critique, mais c'est parce que c'est pas du charme. Regardez, si c'est du charme, ça marche. Charme, c'est quand même de la séduction. Ouais, mais là, il a parlé de persuasion, Swabalap. C'est pas... voilà. Voilà. En plus, les gens voient le jet, donc en soi, tu peux pas tricher. Donc 93 en persuasion. C'est toi qui en soit, fais-toi des dons. Donc c'est toi qui donne de l'argent, c'est ça. Ouais, c'est toi qui fais les dons, hein. Allez, donne ton Mac. Ok, je m'engage à faire un don, un jour, à Gossed. Ah là là. Et Oxyde est de retour, on va pouvoir. Bon, alors nous pouvons y aller. Donc, du coup, je reprends légèrement parce que bah, Xen était parti. Vous avez donc le duc qui sort du magasin et qui se dirige vers une. Enfin, c'est pas une charrette, mais une. Ah, j'ai plus de nom. Une calèche, merci. À toi. Une calèche qui vous attend. Il y a le duc qui roule en charrette. Avec un âne. Mais tu sais que les voitures à moteur existaient en 1923. Ouais, mais ça fait plus classe une calèche, honnêtement. Ça fait plus classe. Très quoi, conservateur. Surtout s'il est vieux. Hein. Voilà, hein, lui, ça fait. Une calèche. Ouais. Donc, ils montent dans la calèche. Enfin, non, ils montent pas dans la calèche. Il attend que Catherine arrive, l'ouvre la porte, lui tend la main pour l'aider à monter dans la calèche. Voilà. Donc c'est la première à s'asseoir. Et ensuite, il monte et il vous laisse monter les deux autres. Enfin, les trois autres, pardon. Donc vous montez, je suppose, avec lui. Je me suis à la banquette en face de lui. Donc... comment dirais-je? Mes chers amis, que diriez-vous de faire un tour au niveau de la cathédrale de Lausanne. Eh bien, soit, commençons par là. D'accord. Donc vous voyez que il demande au cocher de... Allez, amenez-nous à la cathédrale. Je vais montrer cela à mes nouveaux amis. Il fait un petit sourire. Alors, vous êtes arrivé quand sur Lausanne? Aujourd'hui, à bord de l'Express. Il y a deux jours. Deux jours. Ok. Et vous, hier, quoi. Vous êtes venu par... L'Orient, par l'Orient. Express. Par l'Orient, ouais. L'Orient, ok. Je vois. Et vous êtes venu que pour ça? Vous êtes venu expressément pour le parchemin? Pour consulter ce document. Ah, consulter ou acheter? Consulter, peut probablement l'acquérir. Mais au moins, le consulter, ça serait déjà pas mal. Mm-hmm. Je vois que je vais avoir... L'acquérir, ce serait ce qu'il nous faut. L'acquérir, c'est le top. Mais on va pas jouer, comment dire, la carte sous votre nez, quoi. Si vous êtes présenté acquéreur, on va pas chercher à vous faire à vous mettre de bâton dans les roues, je veux dire. Mais le consulter, ce serait pour nous une très grande aide. Vous savez, je ne suis pas du genre à laisser des gens consulter, mais à manipuler ce que j'achète. Je suis très tatillon et Je suis désolé, mais je pense que si j'acquiert, et je pense que je serai en mesure de l'acquérir, je ne pourrai pas vous laisser consulter. Et même si ce sont par des mains douces et délicates d'une femme aussi spécialiste que moi. Je ne doute pas que vos mains soient d'une douceur exceptionnelle, mais non, malheureusement... Écoutez, on peut faire peut-être un arrangement. Quel genre d'arrangement? On l'achète. Et dans un second temps, on vous l'offre. Qu'en pensez-vous? Alors, j'aime m'acheter des choses, vous savez. Mais ça fait du plaisir, je sais. C'est ça, et... Mais plaisir d'offrir, je vois de recevoir, monsieur. Quelque part, cette petite enchère me plaît beaucoup, oui. Sinon, on peut faire une autre chose. On l'achète, puis vous nous l'achetez. Écoutez, je suis joueur. Je suis joueur. Cette enchère amène un peu de piment. C'est vrai que j'ai l'habitude à ce que généralement je n'ai personne en face de moi et avoir cette petite rivalité entre nous, rivalité bien sûr amicale, amène un petit peu de piment. Je suis curieux de savoir jusqu'où vous pourrez aller. Moi, je suis curieux pourquoi vous voulez vraiment ce parchemin. Ah, mais je vous l'ai dit, je suis acquéreur d'artefacts anciens et ce parchemin qui date de l'époque pré-révolutionnaire me ravit. J'adore cette époque. J'aurais aimé d'ailleurs vivre à cette époque. C'était une époque d'intrigue, vous devez connaître ça puisque vous avez l'air très renseigné sur cette époque et sur ce parchemin en particulier. Mais voilà, c'est très grisant de pouvoir avoir dans les mains quelque chose qui a été fait à une époque bien lointaine. Et quelle époque que la Révolution! Mais bon. Vous savez de qui appartenait ce parchemin avant de se trouver dans les mains de notre ami commun? Il me semble, d'après mes renseignements, et puis pour en avoir un peu discuté avec Edgar, qu'il appartiendrait à un certain comte, un comte Fénalic, je crois, qui aurait été arrêté... un peu avant la Révolution française et ses biens ont été confisqués et donc ce parchemin en faisait partie. Edgar, vous avez dit tout ça? Oui, j'ai eu l'occasion de pouvoir me converser avec lui bien avant ça. Je ne vais pas m'avancer à payer une fortune sans avoir m'être entretenu avec la personne qui vend. Vous pouvez comprendre ça tout de même. Mais soit, mais nous verrons bien, ce n'est pas grave, ce soir se tiendra l'enchère et nous verrons qui sera plus à même de mettre le plus d'argent. Et vous voyez que son sourire, il est sûr de lui, quoi. Oui, oui. Bah, genre si, en mode, j'ai des fonds illimités, je suis un Saoudien. Genre, je comprends plus, c'est le français ou le Saoudien? En tout cas, vous arrivez pas loin de la cathédrale et vous voyez qu'il commence un peu... regardez, voilà la cathédrale. C'est un imposant édifice de la période gothique qui a été construit entre 1235 et 1275 et qui a été béni par le pape Grégoire X. Ah oui, j'en ai entendu parler. Vous voyez qu'il est vachement calé. D'ailleurs, vous pouvez voir que elle est magnifique et qu'elle a des vitraux qui sont de toute beauté. Mais allons-y à l'intérieur. Ce sera d'autant plus majestueux. Et donc, vous descendez, vous arrivez à l'intérieur. Vous voyez que donc, cette cathédrale était située sur un surplomb. Donc elle domine vraiment la ville. Vous montez des escaliers. Il y a énormément de marches. Énormément. Pour être précis, 160 marches. Pour arriver... Il n'y a pas des porteurs et des palanquins, hein, histoire de nous mener là-haut, hein. Eh, mais non. Vous devez marcher 160 marches pour accéder à la cathédrale. Une fois que vous arrivez à l'intérieur, certains de vous sont essoufflés. Qui est essoufflé? Non, ne me mentez pas. Gassard. Il... Non. Non, quand même pas. Franchement, Emilio, c'est un sport. Ouais. Eh bien, je vais trancher. Je veux dire que Catherine, sous ses airs, elle veut rester, elle veut bien paraître, a quand même un petit peu de mal avec sa robe, plus ses chaussures qui ne facilitent pas la montée. On va dire que... Elle va faire fondre son maquillage en gras de baleine. Vous voyez qu'elle se tient un petit peu avec un petit mouchoir prévu à cet effet pour essayer de ne pas laisser paraître la sueur qui serait vraiment horrible. Hein, on ne peut pas voir une femme transpirer, quoi, c'est pas possible. Plus le maquillage qui pourrait couler. Donc vous voyez qu'elle s'époustille comme ça là, pour essayer de... Mais bon, vous arrivez tout de même là-haut. Vous rentrez dans à l'intérieur et vous voyez qu'il y a une nef voûtée qui s'élève à plus de 20 mètres et qui est agrémentée de nombreuses statues et de vitraux. Vous voyez le duc qui montre une des statues du doigt. Regardez cette statue, c'est Otton de Grandson, tué lors d'un duel judiciaire en 1398. Vous voyez que la statue n'a plus de mains. Écoutez, si vous voulez, nous pouvons tout de même aller visiter la crypte. Qu'en pensez-vous ? J'aime pas les endroits sombres et humides. C'est un endroit magnifique. Allons-y. Madame Lamberston, qu'en pensez-vous? Je confirme les dires de mon ami Peter. Ce n'est pas un endroit très chaleureux. Oh, c'est bien dommage. Bon, soit. Et puis, j'ai pas confiance en vous. Du coup, bah, vous repartez, vous venez, vous redescendez les marches. Vous voyez que le duc fait une petite mine déçue, mais vous arrivez quand même à deviner que... Bon. Il n'est pas si déçu que ça. Si vous voulez, on peut passer au niveau des musées, des bibliothèques. Bon, je vais pas vous faire tout visiter, mais c'est une façon de... Je pense qu'on va pas... on a, disons, peu de temps non plus. On va aller à notre hôtel et on se reverra certainement ce soir. Eh bien, soit. Il n'y a pas de problème. Je vais vous faire amener devant chez vous. Donc, il vous demande... où êtes-vous ? C'est l'hôtel Le Grand, c'est ça ? Ah, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Je demande aux autres, en fait. L'hôtel là-bas, là. Si, tu te rappelles, ouais. Mais ouais, mais c'est l'hôtel là-bas, là. Vous ne savez plus où vous êtes ? Non, non, non, mais... C'est le Beauregard, je crois. Je ne sais plus si on avait pris celui, le cher ou le pas cher. On a pris un truc pas cher. Le bon marché. Il était, c'était un hôtel bon marché. C'était le Beauregard. C'était un hôtel bon marché. Voilà. On avait géré en regardant la carte. Mais bon, ça de toute façon, notre MJ, c'est tout, donc... On avait sûrement pris le... Je me souviens bien, c'était... Et ces joueurs qui oublient dans quel hôtel... L'hôtel Cécile, c'est pas ça ? Non. Non, mais alors, attends. Mais c'est juste mon carnet, en fait, il est pas pratique. Ou Beau Séjour. Celui Beau Séjour, on a c'est Beau Séjour. C'est Beau Séjour, voilà. Exactement. Bon. Ah, Beau Séjour c'est un hôtel... plutôt hôtel convenable. Beau Séjour, ouais. Nous aimons les plaisirs simples. Convenable. Je n'aurais pas choisi celui-là, personnellement, mais... Voilà, c'est votre choix. Nous préférons voyager simplement et goûter aux joies simples de la vie. Ben du coup, il vous fait ramener devant et une fois que vous êtes descendu, écoutez, je vous attends ce soir, donc à 20h. Hein, soyez bien à 20h au club de 19h30. Hein, et non pas 19h. À 19h30, voilà, au club de 20h. Enfin bref, voilà. Vraiment très français votre humour, j'adore. Bon, écoutez, j'essaye d'un peu agrémenter notre discussion pour un peu d'humour. Et vous voyez que sa calèche s'en va et il retourne à sa maison. Vous rentrez du coup dans votre hôtel. Rappelez-moi, où est-ce que se trouve la malle qui contient le bras? Bah dans notre chambre d'hôtel. Oui, mais bien, elle était pas dans un coffre de trucs. Alors si, un dans coffre spécial en gros, la malle se trouve dans la chambre de Catherine Lamberston, d'accord? Non, c'était moi qui l'avais et c'était une malle à double fond. Non oui, non mais ça c'est ma malle, on le sait. Ah d'accord. Double fond, etc. Parce que j'ai fait un super jet pour l'avoir. Ouais. Donc on va pas me le retirer. Donc, oui. Il se retrouve dans. Parce que du coup, je souhaite la bienvenue à Blood Sarge. Donc la malle se trouve du coup dans la chambre de Catherine. C'est sa malle, désolé, Peter, mais non. Catherine a décidé de garder la malle pour elle toute seule. Vous arrivez donc devant la porte de votre chambre et je vais déplacer quelques personnes. Ne retirez pas vos casques, ok? Si ok, je retire mon casque. Nous contrôlons vos verticaux et vos horizons. Catherine, tu es désormais toute seule. Tu ouvres la porte de ta chambre. Et au moment où tu passes la porte, tu jettes machinalement un regard sur la malle. Et au moment où tu la revois, il y a un bras humain, un bras, c'est le bras gauche que vous avez, je crois, posé sur la malle dans ta chambre. Quand tu dis un bras... Alors... Bon, c'est notre bras ou pas ? Eh bien non. C'est un bras tout à fait humain, ce qui appartient à une vraie personne. Et tu peux noter une petite subtilité, c'est que le bras n'a pas de peau. Il est complètement sans la peau, que la chair. Et il est posé. C'est un bras coupé au moins. Un bras avoir... coupé, exactement. Arraché, hein, parce que bon, il n'est pas coupé net, pas tranché, mais un bras un peu arraché. Posé sur la malle. Attention, je te déplace. Emilio. Oui. Tu vas pour rentrer dans ta chambre, tu passes la porte. Et au moment où tu passes cette porte, tu vois sur ton lit un bras. Un bras droit. Je déguise mon arme. Ce bras a une petite subtilité, c'est que il est toute la peau du bras a été enlevée. Tu ne vois que la chair. Je vois que la chair. Oui. Je te reprends un peu plus tard. D'accord. Nelson. Oui. Tu vas pour entrer dans ta chambre. Mm-hmm. Tu passes la porte. Au moment où tu passes la porte, tu remarques que ton lit, qui était fait à la perfection quand tu es rentré, enfin quand tu es parti de l'hôtel, est défait, comme si quelqu'un avait dormi à l'intérieur. Dormi et pas juste retourné fouiller. Non. Les draps sont défaits, comme si quelqu'un s'était allongé à l'intérieur. Voilà. Je te récupère sous peu. D'accord. Oui. Peter, tu vas pour rentrer dans ta chambre, et quand tu rentres dans celle-ci, tu as un regard furtif qui se pose sur ton lit. Et sur ton lit, tu trouves une veste. Une veste des plus classiques qui est posée sur ton lit. Seulement, sous cette veste, tu remarques qu'il y a une légère bosse. Ouais, un scorpion. D'un certain... Non, disons à peu près entre 20 et 30 cm de hauteur. Enfin, 20 cm de hauteur, allez, on va dire. Entre 20 et 30 cm. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis sûr que c'est le clan scorpion qui a déposé un truc. Bah écoute, je m'approche doucement. Ok. Et je me saisis de trucs sur le côté, tu vois. Je me dis, si c'est un... franchement, moi je pense que c'est une bête. Hein. Je suis désolé, je suis sûr que c'est une bête. Mm-hmm. Un truc comme ça. Et j'enlève la veste et je me prépare à frapper avec un morceau de bois, genre le tésonnier. Ok. Quand tu enlèves ma chaussure, tu vois. Quand tu enlèves la veste, tu découvres une tête humaine arrachée, et une subtilité, elle n'a plus de peau. Ah bah ça, je sais qui c'est. Tu vas me faire un petit jet de San. pouf, pouf. Je te le fais en cachet ou pas? Ouais. Voilà. Ok. De toute façon, en ça, tu peux pas utiliser de la chance ou relancer. Donc. Bah tu me perdras que un point de ça. T'as bien géré. Disons que t'es surpris, c'est mais aussi incroyable que cela puisse paraître, t'arrives à prendre sur toi, essayer de te remobiliser et très vite tu prends le dessus. Donc j'ai déjà vu Nelson tuer un homme de sang-froid, donc une tête découpée. C'est ça. Je te reprends tout de suite. Ok. Catherine. Oui. J'ai oublié de faire quelque chose d'important et tu ne passeras pas à côté de ça. Tu vas me faire un jet de santé mentale. Exactement. Bien sûr. Je m'étais dit, franchement, c'est plutôt cool. Alors, par contre, fais-le moi en cachet, s'il te plaît. Ah, comment on fait en cachet, excuse-moi. Alors, tu prends les dés et tu les mets dans l'espèce de tire-lit pimpon là en. Dans le Nyarlathotep là en bas ? Ouais, en bas à droite. Là. À droite ? Ouais. Ouais, à gauche. Vers la droite, là. À gauche ou à droite? Attends, parce que je vois pas le machin. Ouais, non, c'est bon, c'est bien ça, c'est bien oui, ça. C'est une espèce de alien. Alors, un jet de santé mentale où Emma-san, elle est là, en cachet. Eh bien, succès majeur, ma foi, tu gères. Tu gères plutôt bien la situation, aussi incroyable que ça puisse paraître. Alors, peut-être que sur le coup, tu imagines que tu fais le rapprochement avec le bras que vous avez déjà, et quelque part, tu dis peut-être que c'est un peu la même chose, que c'est peut-être pas un vrai bras. Tu t'accroches à l'idée, quoi. Tu t'accroches à l'idée que ça l'est pas, et oui. C'est ça qui te fait tenir, en fait. Et puis, honnêtement, la première peur que j'ai eue, c'était que ce soit un bras complet avec quelqu'un qui est en train de tenir, tu vois, genre peut-être caché sous le lit. Et non. Peut-être qu'il y aurait eu quelqu'un, et visiblement, tu vois, je pense que une fois je me suis dit c'est bon, il y a personne, ça a calmé un peu malgré le fait que. On se calme comme on peut. Du coup, je vais juste. Je vais faire le jet des autres parce que j'ai oublié de. Hop. Ah, de retour. Mon petit Emilio, j'ai oublié de te demander de faire quelque chose. Un jet de san. Exactement, voilà. Tu n'échapperas pas à ton petit jet de san. Alors tu vas me le faire en cachet, par contre. Ah bah tu l'as fait. Tu l'as fait en tout le monde a vu. Bon, tant pis. Tu m'as pas laissé le temps. Désolé. T'arrives à gérer. Mais tu perdras quand même un point de san. Tu t'accroches quand même à l'idée que. C'est un bras, ça reste qu'un seul bras, voilà. C'est ce qui te fait tenir le choc. Tu te ressaisis. Maintenant, je vais rappeler tout le monde. Ok. Voilà, tout le monde est de retour. Oui. Bon. Chacun a vu ce qu'il avait à voir. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi j'ai l'arme de dégainer et je retourne dans le couloir. Moi je sors de la chambre, mais en restant au niveau de ma porte, et justement je vais dans le couloir chercher les autres, m'attendant à ce qu'ils soient en train de rentrer. Voilà, et bizarrement, tu trouves déjà au même moment, vous arrivez toi et Emilio, et que font les deux autres? Peter, ouais, je mets ma protection. ma protection contre la santé mentale. Mm-hmm. Et moi je dis ça recommence. je remets mon lit en ordre. Hein. Donc, du coup, vous, tout le monde. Vous arrivez tous dans le couloir sauf Nelson qui est toujours resté dans sa chambre. Alors, okay. Allez-y, je vous laisse gérer. Il y a qui a mis un bras écorché sur mon lit. Le service de chambre est déplorable ici. Mais j'ai exactement j'ai un bras écorché aussi dans ma chambre. Moi, j'ai la tête. Ah, horrible. Oh non. Ils ont arraché la peau et même le nez. Ça me rappelle cette histoire que nous a raconté Nelson avec le morceau de peau. Vous en souvenez, Catherine? Enfin, désolé de vous ressasser ces émotions. Je sais que j'ai certainement mal vécu la dernière fois, mais c'était nul ne refuse d'écorcher. J'ai l'impression que c'est la même chose. Oui, oui. Ils savent. Ils savent. Oui, et en termes de... Le bras qui était dans ma chambre était sur la malle en plus. Il y a encore le bras le bras, le... Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a encore le bras, Catherine? Bah, ce n'est pas très drôle, Peter. Excusez-moi, c'est... Allons voir. Pendant cela, Nelson fait son lit. Oui, j'avoue que j'ai pas ouvert la malle hein, pour des raisons. Qui fait son lit dort. Voilà. Moi, je vais aller ouvrir la malle chez Catherine. Moi, je l'accompagne, mais en lui suivant comme ça dans son dos, tu sais, prêt à partir en courant. Moi, Nelson, j'ai l'arme dégainée et je surveille le couloir. Nelson, tu entends quand même bizarrement les autres discuter alors que vous venez tous normalement de rentrer dans vos chambres. C'est assez bizarre, parce que pourquoi ils fermeraient pas la porte? Pourquoi ils resteraient dans le couloir? Je vais avec ma petite lumière et je regarde. Hein, bon, après il fait jour, t'as pas besoin de prendre ta lumière, il fait jour. On est encore en pleine journée. Ouais, ok, au cas où c'était mal éclairé. Mais je me gratte la tête dans le couloir en me demandant qu'est-ce qu'ils font là. Qu'est-ce que vous faites tous là? Bah, vous répondez pas? Voilà. Mais va voir ce qu'il y a sur mon lit. J'y vais, Candide. Et effectivement, au moment où tu vas dans la chambre d'Emilio. Merci pour le piège, Emilio. Tu trouves sur son lit un bras humain, véritable, avec la peau arrachée, sans peau. C'est génial. Et comme tous les autres, voilà, parce que tu n'échappes pas, tu auras le droit de faire un petit jet de San. Sachant que notre char Grexar fait toujours la même erreur de manip et on l'a vu victime de folie persistante. Non, mais loupé. Il y avait un truc de cocher. Loupé. Tu vas perdre 2 points. Nelson est... 2 points ? 2 points de santé mentale. Bon, ça reste un bras, je suis plutôt magnanime, tu vois, je suis tout sympa. Non, parce que de loin, ça ressemble à un saucisson, pas frais, enfin, trop ouais, frais, on va dire. Non, tu vas perdre 2 points. Alors, tu vois, Emilio, du coup, que Nelson fait un pas et tombe. Il tombe sur le cul, tu vois, genre, il s'y attendait pas, tu vois, tu vois que il est désarçonné par ce qu'il vient de voir et qu'il transpire. Surtout, mon regard se tourne vers Emilio d'un regard mauvais, très mauvais. Et toi, tu te dis, drôle, ta blague. Comment est-ce qu'il fait Emilio pour gérer aussi bien, tu vois? Moi, je viens de voir un bras, je suis là, le cul par terre, et l'autre, il me dit, ouais, va voir dans ma chambre, tu vas voir, sympa. Excusez-moi, juste que vous aviez eu la même chose que nous, en fait. Bah non, moi, j'avais juste un... Bah, j'ai l'impression qu'on a dormi, quoi, dans ma chambre. C'est tout. On regarde pas dans mon placard, alors. Je vais regarder dans son placard, non. Tu trouveras rien. Non, mais je regarde pas. Du coup, Peter, tu te retrouves effectivement dans la chambre de Catherine. Tu vas pour essayer d'ouvrir cette malle, mais d'abord il va falloir déplacer le bras. Ouais, il n'y a pas des inscriptions sur le bras ou... Absolument rien du tout. Ok. Comment tu fais pour regarder ça? Disons que apparemment, j'ai vu peut-être pire, ne serait-ce que si vous en souvenez dans le train. Mais bon, allez. Donc je prends le linge qui l'a recouvert, le manteau qui l'a recouvert. Ouais. Ah, j'ai pas fouillé le manteau. Ah, attends, pour l'instant, t'es bien. Qu'est-ce qui était il y avait un truc qui a recouvert le corps de la main. Je sais un pas. Un pantalon, une chaussure, Catherine. Oui, bien sûr. Je vais chercher un petit linge. Non, non. Il y avait un truc qui l'a recouvert. Ou... Ah non, pardon, excuse-moi, j'avais mal compris votre question. Elle est troublée, Catherine. Non, avait... non, non, non. Il y avait rien. C'était comme ça posé. Oui. Ok. Je vais aller chercher la veste du mort pour l'enlever. D'accord, bah tu enlèves le bras sans trop de problèmes. Mais je vais voir la veste si je peux fouiller les poches. Eh bien, fouille. Quand tu fouilles la veste, je vais pas te faire un jet de toc pour ça, parce que fouiller les poches d'une veste, ça va aller. Effectivement, tu trouves un portefeuille. Ah. Avec des papiers à l'intérieur. Je donne ça à Catherine et je vais enlever le bras pour l'instant. Donc Catherine, te voilà avec un portefeuille. Le portefeuille pendant qu'il va ouvrir la maille. Bien, pendant que Peter ouvre la malle pour découvrir qu'à l'intérieur il y a toujours le bras, eh bien, Catherine, tu découvres l'identité de cette personne morte. Et c'est un certain Macriat. Bordel de merde. Ah non. Mets tout slim. Hein? Mehmet Macriat. Vous en souvenez du français dans l'histoire qui était conté, enfin, dans le rapport, dans le document que vous attendez, Monsieur Smith. Il avait aidé deux personnes à retrouver la trace, je crois, des écorchés. Ou quelque chose comme ça. Les écorchés. Oui. Je ne sais plus si c'est exactement lui qui a disparu ou pas. Enfin bref. En fait, de qui tu veux parler? Le français. Ouais, le français, il a aidé qui? Le français, il a aidé... Enfin non, il était les écorchés ou le truc avec... Français, il nous a aidé, nous, joueurs, pour parler méta un peu. Oui. Il nous a aidé, nous, à les trouver pour leur peau de cul. Mais trouver qui? Le culte du Fez. Voilà. Le culte du Fez, pas les écorchés. Mais il a évoqué les écorchés. Ok. Bon, de toute façon, ils sont dans le même coin, c'était à l'autre côté de... Mais en gros, il disait que le culte du Fez, c'était un culte tout bidon dégueu. Par contre, les écorchés, c'était un autre niveau. C'était plus sérieux. Donc là, je vais dire, on va se faire une réunion. Parce que, bon... Là, ça fait... Et est-ce qu'on va prévenir la police? Bah, de toute façon, vous avez même pas vraiment le temps de le faire, puisque vous avez un employé qui passe par là, qui voit que toutes les chambres sont ouvertes et qui finit par rentrer dans l'une d'elles en demandant « Mais vous avez un problème? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il te voit, en fait, avec le bras un peu posé dans les mains, et il se met « Ah ! Mais qu'est-ce que c'est ?» Il se met à crier « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais qu'est-ce que vous faites avec un bras? Je le tue. Non, je rigole. Je pourrais le faire. On est pas dans Donjons et Dragons. Mais je sais pas comment réagir et qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Bah, mais nous aussi, on est comme vous. On l'a trouvé dans notre chambre là. Vous savez pas bien vous entretenir les chambres, assurer la sécurité de vos... La sécurité est très mauvaise ici. Et tu vois qu'il prend je demande d'être remboursé. Tu pars en courant et limite quand il se retourne. Non, là, pour l'instant ça va, je me suis pas fait engueuler. J'ai géré. au moins il tombe, il se prend la porte, mais il se relève aussi sec. Il part à l'accueil et vous voyez, genre 10 minutes plus tard, débouler des flics. Entre-temps, parce que je sais que si on se fait arrêter là, on sera pas au rendez-vous de 20h. Ouais. Non, mais après vous voyez les flics viennent, vous posent des questions et, la direction qui est. Au départ, moi j'ai pensé que c'était une farce. Et... Vous dédouane complètement, puisqu'elle savait que vous n'étiez pas présent. Pas présente de toute la journée. Donc, du coup, la police vous relaxe un petit peu. Ils vont récupérer un peu tous les morceaux. Les fragments. On vous demandera simplement de témoigner de façon écrite comment s'est passé les choses, qu'est-ce que vous avez, enfin les endroits que vous avez vus, si vous avez vu des gens. Monsieur l'agent, moi j'ai pensé que c'était une farce, hein, tout ça. Je pensais même pas que le bras était vrai, c'était improbable. Voilà. Non mais c'est jamais vu. On a jamais vu ce genre de choses par chez nous. Je peux comprendre que vous soyez totalement déstabilisé et voilà. Et vous, madame, voilà. Ils n'ont pas l'accent suisse, hein. Je suis déçu. Au coup, je veux pas le faire à chaque fois, hein. C'est inadmissible. Vous, madame, vous avez. Vous êtes trop loin, un cadavre. Vous avez vu un bras. C'est une catastrophe. Tranquille, tranquille. Non, on va éviter. Je ferai pas à chaque fois. Surtout, ça va quand c'est court. Mais si c'est un dialogue plus long, ça devient vite. Et pour vous et pour moi. Moi, je joue la comédie. Hein. Moi, il y a les larmes qui coulent et tout. Voilà, ouais. C'est la comédie. Non, moi, je joue. Moi je joue une personne normale qui voudrait être logée. Voilà, moi je le fais. Vous voyez la direction de l'hôtel, écoutez, si vous voulez on peut vous changer de chambre, on est désolé. Ah mais non mais moi je veux changer d'hôtel là, c'est pas possible. C'est bon, et tu vois qu'ils peuvent pas trop rivaliser que ça, donc... Non mais ça va, c'est que des bras écorchés. Bah écoutez, on vous fera transférer vos affaires dans l'hôtel que vous aurez choisi. Donc, dites-nous où on va prendre vous voulez le plus aller cher, maintenant. On prend le plus cher. Bah écoutez, vous allez dans le plus cher. On espère un dédommagement, un truc comme ça. Ah enfin. Bah oui. On vous offre un bol de soupe en dédommagement, tu vois. On vous offre le petit déj, y a pas de problème. De toute façon, on peut les attaquer en justice, j'en suis sûr, ils vont tout nous offrir. Mais donc du coup il se passe quand même du temps on va dire qu'avec tout ça, le temps que vous débarrassiez vos affaires, que vous alliez dans ce nouvel hôtel, donc l'hôtel Grand Luxe de Lausanne, il est l'heure pour vous de vous diriger vers le club de 19h30. Que vous faites ? Vous arrivez devant cet établissement qui est, ma foi, plutôt joli, plutôt sympa. Et quand vous rentrez devant la porte, vous avez une personne qui vous accueille. Oui, bonjour, donc je ne ferai pas l'accent suisse. Oui, bonjour, ou bonsoir même, c'est mieux. Vous avez réservé Nous sommes venus... Sous recommandation de monsieur, comment il s'appelle ? Monsieur Wellington. Bien, il n'est pas encore arrivé, mais il y a déjà quelqu'un... à sa table. Donc, je vous en prie, suivez-moi. C'est monsieur le duc, je présume. Oui, on le suit, ouais. Du tout. Ah. Bon. Non, il n'est pas arrivé non plus. Vous avancez. Vous arrivez à la table. Et vous voyez un notaire. Une personne. Plus ou moins jeune, on va dire, qui est déjà tablé et qui vous accueille. Bonjour. Bonjour. Oh, bonsoir. C'est mieux. Bonsoir. Vous êtes là pour l'enchère ? Oui. Ah. Voilà. Je me présente, je suis Maximilian von Wurtheim. Wurtheim? Von Wurtheim? et je suis également là pour l'enchère. Malheureusement, je crois que Monsieur Wellington et le duc seront un peu en retard. Ils m'ont fait parvenir chacun un message pour nous prévenir. Vous n'avez pas eu le message ? Non, mon cher, non. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous allons peut-être discuter un petit peu en attendant. Oui. Vous, c'est un jeune homme. Monsieur Wurtheim. Wurtheim. Alors, Von Wurtheim. Je vais vous l'écrire. Alors, je vais l'écrire dans le quoi. Allez, ici, dans le grid femme. Von Wurtheim. Voilà. Bon. Tac. Maximilian, et je vais le citer pour vous dans le live. Maximilian von Wurtheim. Wurtheim. Et du coup, Wurtheim. Donc, je fais les présentations de toute l'équipe. Très simplement. Et je lui demande s'il est lui aussi, du coup, intéressé par l'enchère. Et s'il compte se procurer le fameux document. Ah mais bien sûr, je veux absolument l'acquérir et je suis prêt à mettre le prix. Et de toute façon, vous voyez qu'au bout d'un moment, il commence à déblatérer, mais genre, il s'arrête plus, il est en mode, il respire même pas tellement il parle, tu vois. Genre, il vous raconte sa vie, tout son cursus et comment il a fait pour arriver jusque là et pourquoi il l'a fait. Alors pour vous c'est vous ressentez quand même que c'est pas une personne qui est vraiment importante. Voilà, c'est juste un gars, il veut acheter ça, mais vous sentez que c'est pas le gars qui sait ce qui se cache derrière le parchemin. C'est uniquement il veut acheter le parchemin parce que c'est un parchemin et voilà. Parce que ça coûte cher, c'est tout. Je vais lui dire tout simplement que nous cherchons à nous procurer le document, mais surtout à le lire, hein, le plus important. Ah mais bien sûr, si vous voulez, on peut s'arranger et je peux tout à fait acheter le parchemin et vous laisser lire, ce n'est pas un problème. Nous sommes un peu intéressés par l'histoire de la Révolution et aussi d'autres époques. Et ce document, comme vous le savez, est quand même assez ancien. Et mes amis et moi, on serait intéressés pour lire juste quelques parties de ce parchemin. Mais juste au pire des cas, reprendre quelques transcriptions et l'objet en lui-même ne nous importe pas. C'est le sujet dont il parle qui nous intéresse. D'accord. Mais oui, si vous êtes prêts, nous sommes prêts à nous entraider, parce que vous avez en face de vous aussi, vous êtes un Von, mais en face il y a un duc. Donc, je sais qu'il a les moyens et il a les prétentions d'avoir. Bien sûr. Mais si vous me garantissez que vous ne réagirez pas sur moi, je suis prêt à faire un effort essayer de remporter la mise. D'accord. Moi, je dis marché conclu. Moi, alors, de toute façon, j'adore les Allemands. Tiens. Non, enfin, alors, je suis prussien. Enfin, oui, parce que les Allemands, on peut pas dire que c'est vraiment tout de suite, quoi. C'est la Prusse. J'adore les. Je suis blonde et les yeux bleus. Et je suis très grand, 1m80. J'attends arriver à Istanbul. Hein. C'est un super beau gosse. Hein. En gros, toi, Catherine, tu vois que c'est vraiment le bel homme qui a du charme, qui est bienveillant. Et puis il est jeune, donc il a la jeunesse avec lui. Donc peut-être que tu trouves que pour toi, c'est un homme très charmant, élégant. Et puis l'accent prussien peut avoir son petit charme. Hein. Bien sûr, il n'y aurait pas de problème. Enfin, en tout cas, voilà, vous... Et puis, enfin, il voyait un moment que Maximilian sort une montre à Gousset, l'ouvre et regarde, et lui qui fait quand même une tête bizarre, et qui c'est qui a une montre? Oh, tiens, bah, qui la regarde? Je n'ai pas de montre, mais j'ai de l'ail dans la poche gauche. C'est vrai. Bon, qui a... en gros, il y en a un de vous qui chope sa montre. Ah, et ouais. Vous notez qu'il est déjà 21h. Oh, beaucoup parlé. Je propose aux Prussiens de nous accompagner pour aller voir ce que font les deux oies, enfin, surtout le vendeur. Ah, sa place chez lui. Écoutez, je pense qu'on peut imaginer que la vente ne se fera pas ce soir. Très bien, alors j'ai d'autres choses à faire. Je vais rentrer si vous le permettez. Monsieur, bonne nuit, monsieur Von Murtheim. Eh bien, merci beaucoup et à une prochaine pour peut-être la vente. Mais oui, tout à fait. Ok. C'est vachement étrange tout ça. On va aller voir du coin du magasin. Du coup, vous allez faire ça. On va juste attendre que Peter revienne des toilettes, puisqu'il est parti subrepticement aux toilettes d'un coup comme ça. Qui s'est rendu compte en regardant l'heure qu'il avait envie d'aller aux toilettes. Moi je regarde notre ami prussien. Vous savez, américain a un problème avec la nourriture européenne. Ils arrivent très mal à la digérer. Ah, c'est plutôt un problème. Mais yeah. Mais j'ai cru comprendre, oui, que les Américains étaient assez spéciales. Ils sont sous poulet. Ils sont très comment dire, ils se prennent pour une race supérieure. C'est vrai. Oh là là. Mais bon, comme Icar, alors ils partiront dans les flammes du soleil. Voilà. Heureusement, ça n'arrivera pas chez moi. Voilà, nous sommes plutôt un peuple humble. Donc, oui. Vous voyez, du coup, votre cher Maximilian von Murtheim se lever. Vous souhaitez une bonne soirée. Voilà, il pense que de toute façon, la vente va être mise à plus tard, car ils ne sont toujours pas là. Ils ont dû avoir un empêchement. Donc, il décide de quitter la table et de rentrer chez lui. Vous faites quoi? Moi, je comptais aller voir du côté du taxidermiste parce que je connais pas son adresse personnelle, moi qui l'habite là-bas. Bah, oui. Très mauvaise intuition. J'ai vraiment pas confiance dans l'autre duc, non. D'accord. Là, pour le coup, français, c'est pas notre copain. Hein. Juste, on est d'accord, je pense que peut-être l'un d'entre nous devrait rester au cas où. Non. Non, il vaut mieux pas. Bah, fumer, boire, ouais, mais sinon. Et en fait, tu vas voir, on va aller au taxidermiste, ils auront déjà fini la vente et on sera pas là. Je crois que là, ils l'ont conclu, là. Mais ils viendront plus, là. Oui. Voilà. Je crois que là, l'affaire s'est conclue. Bon, allons-y. Du coup, vous vous levez de table, prenez un petit taxi donc pour essayer d'y aller au plus vite. Et donc il fait nuit. Hein. Vous voyez toujours que c'est vrai que j'avais pas remis dans le contexte, mais Lausanne est dans et depuis que vous êtes arrivé, vous avez vu que les gens sont froids, font des têtes de 20 mètres de long. C'est une ambiance vachement maussade, presque triste, limite. Les gens, ils font la gueule, ils seront peut-être pas agressifs, mais presque. Et la façon dont ils vous parlent, ils sont las, tu vois, pas d'énergie en fait. Et il y a ce brouillard, qui est vraiment très présent. On se croirait presque en Angleterre. avec le fog de rigueur. Plus bah, la saison qui fait que hein, on doit être le 3 ou 4 février, nous sommes un mardi. Donc voilà, vous, imaginez-vous, voilà, vous arrivez devant le taxidermiste dans cette rue qui est quasiment pas éclairée, un peu pittoresque, un peu authentique, une vieille rue de Lausanne. Alors, en temps normal, ce serait un super cadre, on va dire. Hein, mais là, dans l'ambiance de la ville du moment, plus le fait qu'il soit tard et les lumières qui est quasiment inexistante, c'est un peu pesant comme ambiance. Vous arrivez devant la boutique, devant... cette devanture qui est quasiment impénétrable, puisque vous voyez que derrière les vitres, comme la première fois, des espèces de rideaux très sombres, et derrière la porte également, masque l'intérieur de la boutique. Qu'est-ce que vous faites? Je vois si la porte est déverrouillée pour l'ouvrir. Et bien, quand tu t'approches de la porte, t'as même pas le temps de pousser, de tourner la poignée et machin, tu vois que la porte est déjà ouverte. Tu as juste à pousser de la main. Et je mets ma main sur mon holster et je rentre prudemment. D'accord. Je pourrais sortir. Quand tu ouvres la porte, tu vois que il n'y a aucune lumière à l'intérieur. C'est totalement noir. Tiens, Ouais, ok. Vas-y, bon. Tu vas me faire un jet de toc, s'il te plaît, Nelson. Toc. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, si vous avez réussi vos jets et que c'était pas coché, de l'avoir coché. Hein. Je l'ai pas dit, mais. Réussi. Donc, si c'est pas coché, tu le coches. Tu commences à passer ta main un peu partout. Et au bout d'un moment, tu tombes sur un bouton que t'actives et une lumière s'allume, sauf que bien sûr on est en 1923, donc les ampoules c'est pas de la LED, hein, donc ça t'illumine pas la pièce de ouf. Ça met un certain. Et tu vois que l'intensité de l'ampoule est assez faible et que elle illumine que l'entrée vraiment. Et que il devait y avoir une autre ampoule, mais qui malheureusement doit être ne doit être plus en état de fonctionner. Et du coup, ça crée une espèce d'ambiance assez bizarre où il y a des jeux d'ombre et à la fois c'est très peu éclairé. Ce qui avec les animaux empaillés et plus les trophées qui sont accrochés sur les murs crée une ambiance assez morbide, glauque. À ça, vous rajoutez la même odeur qu'au départ, c'est-à-dire une odeur d'hôpital mêlée à de la pourriture, à de la chair putréfiée. J'avance prudemment en allumant mon briquet. D'accord. Vous faites quoi, les autres? Vous suivez? Oui. Est-ce que vous refermez la porte derrière vous? Je vais faire un truc. Moi je vais mettre. J'imagine qu'il y a un. Je peux mettre le tapis entre la. La entre... Enfin, dans la porte pour pas qu'elle sorte totalement. Tu peux faire ça, ok, ça marche. Je vais faire ça. Donc vous laissez la porte genre fermée mais pas totalement, genre comme si entre-ouverte, en fait, quelqu'un peut la pousser de l'extérieur, quoi. Oui, enfin elle est pas fermée, hein, elle est juste le tapis entre la porte et l'entrée qui bloque la fermeture totale de la porte. Voilà. Ok. Ouais. Non, mais ce qui veut dire qu'une personne qui serait à l'extérieur peut pousser la porte et rentrer. C'est juste ça. Oui. Ok. Oui. Du coup, vous êtes rentré. Tu voyais Emilio qui bloque un peu la porte avec un tapis, histoire de j'appelle j'appelle Monsieur Wellington. Monsieur Wellington, vous êtes ici? Personne ne répond. Monsieur le duc ? Personne ne répond. Monsieur l'armoire à glace ? Aucune réponse. Je continue mon avancée, moi, jusqu'à l'arrière-boutique. Ah oui, il faut faire attention à son frère, oui. Bonne idée. Qu'est-ce que vous faites, les autres ? Vous cherchez aussi ? Ouais. Oui, mais t'es par contre, j'ai mon arme dans la main. D'accord, bah vous allez tous me faire un jet de toc, s'il vous plaît. Et en fait, William n'a pas bougé. Succès pour moi. Succès extrême. Succès extrême. Short pour moi. Il est extrême. 58 sur 59. Pas moi. C'est le premier jet de toc que je réussis. Hein. Je vais vers. Attends. Alors. Qui a réussi? Dites-moi, parce que du coup, j'ai pas regardé. Tout le monde. Quoi. Tout le monde a réussi. Oh là, putain, vous êtes magnifique. Ah, moi, j'ai fait un 3. Eh bien, ce sera toi. S'il faut bien en choisir un, ce sera toi. Donc, vous êtes au rez-de-chaussée, parce qu'il y a un étage, hein, évidemment. Vous êtes tous au rez-de-chaussée, vous essayez un petit peu avec la lumière qui est pas super top, mais il y a quand même Nelson qui a son briquet de temps en temps pour essayer de faire un peu de lumière. De voir quelque chose, d'essayer de trouver un peu un indice. Quelque chose qui pourrait expliquer déjà pourquoi la boutique est ouverte. Ça n'a pas de sens, ce qui est plutôt inquiétant selon vous. Mais bon, pour l'instant, vous ne trouvez pas grand-chose. Et puis, Peter, tu te déplaces un petit peu au niveau de l'escalier. Tu es en bas de l'escalier. Et tu avances un peu à tâtons, la lumière étant assez faible à cet endroit-là. Donc tu utilises tes mains pour essayer un peu de voir devant toi. Sauf qu'à un moment donné, ton pied... Donc je vous le fais pour tout le monde parce que vous avez réussi. Hein. Ton pied... tu mets le pied dans quelque chose. Ça fait un bruit. Un bruit un peu comme... comme quand... ta chaussure marche dans une flaque d'eau, le pit. Tu sais, le petit liquide qui. Et tu sais que normalement, à cet endroit-là, il devrait pas y avoir de l'eau. Je dis aux gens, ne vous approchez pas. Et je regarde attentivement ce que c'est. Alors, quand tu regardes à tes pieds, tu vois que c'est la dernière marche, donc la première marche, du coup, pour toi. Et que elle est plus sombre là où tu as ton pied, et que sur le reste de la marche, c'est plutôt clair, et que cet endroit assez sombre et fait un peu un cercle, serait un peu, enfin, voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, je comprends que c'est du sang, c'est-à-dire que le type assis là et a remonté. Escalier, si c'est plus sombre, ça veut dire qu'il en a perdu énormément là, il a essayé de remonter. Bah, du coup, je dis que quelqu'un est blessé à l'étage et je vais monter. Du coup, quand tu commences à monter, donc Peter vous a dit qu'il suspecte que quelqu'un soit blessé là-haut. Quand tu commences à monter, tu vois effectivement que en fait. Il y a une espèce de filet plus sombre qui arrive de tout en haut et qui descend petit à petit jusqu'à arriver là où tu as mis ton pied. J'attends quand même les autres hein, parce que moi j'ai pas d'armes. D'accord, bah, du coup les autres vous le rejoignez. Je prends ma chaussure. Et... ouais. J'y vais, ouais. Mm-hmm. Puis je dégaine, tant qu'à faire. Bah. Qui passe en premier du coup ? Bah, moi, tiens, on va aller. Je suis juste derrière. Nelson. Juste derrière Catherine. Catherine, elle a une arme, elle sait se défendre. Mais de toute façon, oui, j'ai une arme. Tous derrière Nelson. Nelson, tu t'avances. Au cas où je tombe, tu commences à monter les marches une par une. Ouais. D'ailleurs, tu t'aperçois qu'à chaque fois que tu poses le pied, ça fait Chut, mémé. Et toi, mémé. T'es pas très à l'aise, tu dis putain, s'il y a quelqu'un là-haut. Ouais. Et vous finissez par arriver tout en haut. Et est-ce là, que je m'attends à voir un cadavre. Est-ce que t'as ton briquet dans la main? Est-ce que... Parce que vu que la lumière est pas ouf, est-ce que Moi j'ai un briquet. J'ai un briquet dans la main. Moi j'ai juste dégainé avec mon briquet toujours. Ouais. D'accord. Quand tu passes ton briquet quasiment tout en haut des marches. Tu vois une espèce de masse sombre, plutôt volumineuse, qui est... T'as perdu la tête à Gossed. Ouais, on a perdu la tête à Gossed. Hein. Il se passe quoi, là? T'as perdu la boule, Coco. On voit plus ta tête sur le... Ah, mais c'est Grid Femme qui a... Ouais, bon, tant pis, vas-y, continue. Non, attendez, parce que là sur le stream, je sais pas si c'est chez moi, mais. Non, moi je sur le stream. Sur le stream, y'a rien. Mais ouais, sur le stream, en fait, il reste que moi. Bah ouais, et encore, même. Moi j'aimerais revenir. Ah oui, Xen vient de revenir, ouais. Essayez de revenir dans la. De vous réinviter, comme si vous vouliez vous réinviter. Ah, j'ai un gros décalage aussi, donc je vois pas. Que je me relogue. Ouais, essayez de vous reloguer. Moi je suis là. Plein de narration quoi, non mais c'est. Bah ouais, ça tombe vraiment au mauvais moment. Mais au pire, si la fin est vraiment proche et t'as besoin de faire Cliffhanger, finis comme ça et. Ah non, mais faut que je fasse. Faut que je fasse un truc là. Tu vois ce que je veux dire? Ça nous a spoil. Attends, parce que du coup, je vais. Désolé les gens, tu vois. Franchement, c'est le... C'est la soirée. Le truc de la mort. Bah, quoi. Tu vois, c'est pas session 13, mais c'est tout comme. Ouais. Faut se dire qu'hier c'était vendredi 13. Alors, ouais, essayez de revenir, de vous coup... reloguer. Mais c'est ce que je fais un call depuis tout à l'heure. Bon, attends. On va zéro call là en fait. Et on va recharger la page peut-être. Alors, pourquoi il faut que tu unmute ton machin, Xen? Ah, ok. Alors attends, je vais. Je suis obligé de faire ça, hein, mais. Ouais, pas de problème. Voilà. On a tout disparu. Ouais, t'as vu ça un peu. Allez sur Twitch, c'est un jeu interactif. Où est-ce qu'on est caché? Alors attends, parce que du coup. Je réponds, mais ça va pas être plus clair. Je crois que c'est l'admin de... Si c'est vulgaire, je trouverais ça faible. C'est chose, là. Oh là là, et franchement, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Ah, là, bon, du coup, on en a sur un le là. Stream, il reste Gossed. Gossed est visible sur le stream. Oh, je suis là, coucou. Ouais. Par contre, qu'est-ce qui se passe sur nos webcams? Pourquoi ils sont si... Tu sais que je te vois même pas, moi. Je te vois sur le stream, mais je te vois pas dans mon grid femme. Ah, on te voit toujours pas, mais sur le stream, on te voit, ce qui est important. Alors, attends. Hop. Et il enfin, faut encore un... Je fais ça pour un retour pour les streams. Ah, est-ce et là, c'est... C'est... Alors, est-ce que ça vient pas de chez grid femme qu'ils essayent de voir de... Si, je crois bien que oui. Ils ont tout fait sauter. On a marre. Dynamite. Ouais, gros. La Wakba. Mais tu vois, c'est vrai, parce que c'est les mêmes petits bugs, tu vois. Là, sur le stream, il y a... T'as remis Oxide, mais non, moi personnellement je le vois pas Oxide. Bah, moi je te vois pas non plus. Et on voit, de toute façon, pour changer, je colle. Je colle, je rentre. On va voir. Bah, non, ça marche toujours pas. Je suis désolé pour toi. Ouais. Je peux vraiment pas venir. Bon, écoute, pas me laisser. Vous nous voyez les gens, sauf Gassard, malheureusement. Serait que terrible. Faire. J'essaierai de gérer ça. Je vais rester sur le stream, moi, du coup. J'ai pleuré. Hein. Genre, il va se regarder comme ça. Bah, oui, mais au moins, tu vois, je te vois. Non, mais il n'y a pas de problème. du coup, vous arrivez en haut, alors plus juste à ce moment-là, tu vois. Et tu vois une espèce de masse sombre au sol. Ah oui, c'est vrai, c'était moi. Qu'est-ce que tu fais? Je me baisse, j'approche tout doucement et J'essaie de voir, de reconnaître la personne. Ah, ok, donc tu vois clairement le corps de William Willington. Mort. Attends, parce que c'est pas fini. Il est allongé sur le dos. Il est vivant, oui. Les bras raidis. Complètement. Tu vois qu'il a le thorax, enfin le torse complètement explosé et la gorge arrachée. Oh. Clairement, donc du coup, le sang coule justement de sa gorge qui après bah, s'est déversé dans les escaliers qui après sont descendus jusqu'aux marches d'en bas. Et ce que tu remarques qui est terrifiant, c'est que son visage transpire la terreur, comme si son visage est figé dans la terreur en fait. Il est mort de peur, quoi. Voilà, enfin il est mort. Oui. Non, il est mort défoncé, mais son visage est resté figé dans la peur. Tu vas me faire un petit jet de charme, Quoi? Oui. Tu crois? Oui. Oui. Pour l'instant, tu es le premier à t'arriver, donc il n'y a que toi qui... Yes, je réussis. Et là je me retourne et j'ordonne qu'on ferme la porte d'entrée. Je veux pas qu'on nous voie... Vas-y, joue-le. Ah, pardon. Fermez la porte d'entrée. Je descends les escaliers et puis j'allais la fermer. Donc vous comprenez pas trop ce qui se passe. Je fais un grand signe pour pas qu'on s'approche trop près. Bah moi je m'approche pour voir ce qui se passe en fait, pourquoi pas. Bah du coup tu passes outre les recommandations de. Non mais je m'approche pas en tête à tête, mais je veux voir ce qui se passe parce que nous on est pas encore dans la salle. Bah en fait après quand t'arrives en haut des marches c'est quasiment le moment où tu vois le corps quoi. Mais nous on n'a pas vu en fait ce qui se passe. Il nous a pas décrit donc loin, moi je vois ce qui... Non. Il voit la masse de loin mais il voit pas comment En fait le corps est quasiment en haut des marches. Enfin genre il faut l'imaginer comme ça. Enfin vous me voyez pour les qui vont pas me voir mais allonge-toi, vas-y fais le mort, allonge-toi. Et genre à 4 cm des marches, genre ça. Je fais bien la terreur. Il est mort de stupéfaction et on lui aurait arraché la stupéfaction de peur et on lui aurait arraché la gorge. Il a été empaillé. Ouais, il a été empaillé. Empaillé, morbleu. Donc oui, clairement, William, voilà, vous voyez que c'est, enfin, tu vois que c'est une mort horrible parce que comment, enfin, clairement pour tuer une personne comme ça, il faut une force terrifiante. Parce que tu vois que la force de son frère. Non, William, c'est le costaud, c'est celui qui a les plaques sur la tronche, qui est un type comme ça. Qui était quasiment en mode brobo, puisse avoir la terreur sur lui et se faire déchiqueter comme ça. Tu penses que la personne qui a réussi à le tuer, elle a une sacrée force, quoi. Elle est sacrément balèze. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez rester comme ça figé dans l'escalier? Moi, je suis allé fermer la porte en bas. Ok, donc Catherine et toi, Emilio. Je. Oui. Ou Nelson, Je cherche un interrupteur, une lumière, une lampe à pétrole, une bougie. Eh bien, t'as de la chance, à un moment donné, tu tombes sur un interrupteur et d'un coup, ça allume tout le hall de l'étage, révélant à tous. Du moins, tous ceux qui sont présents à côté de toi, l'horrible vision de William défoncé, avec la gorge arrachée. Ce qui va permettre à Catherine et à Emilio de faire un jet de salle. Déjà fait. Mais avec un bonus. Avec un bonus, parce que c'est sans surprise, je leur ai décrit la scène. Oh, Emilio. Oh. Alors... Catherine, tu... Étonnamment. Catherine, en vrai, elle a déjà fait des robes avec de la peau humaine. C'est pour ça qu'elle elle est jamais fait des... C'est quoi cette horreur? Je suis cultiste. Non, mais à un moment, c'est ça la vérité, quoi. Elle est toujours là en mode, oui, bon, c'est un cadavre. Étonnamment, tu gères plutôt bien la situation. Et ça crée l'étonnement chez Nelson, qui ne s'attendait pas à ce que toi, tu puisses... On va dire ne pas crier, alors que ce qui se passe, c'est le contraire. C'est que Emilio, lui, par contre, manque de tomber dans l'escalier, puisqu'il fait un pas de recul. Et en fait, en reculant, il a la chance que à ce moment-là, Peter remontait et le rattrape in extremis. Sauf voilà, que, c'est ça, ma pote. Pour ne pas tomber lui-même, il le pousse en avant. Occasionnant forcément la chute d'Emilio en avant, qui finit les mains dans le sang de William, face à face avec cette tête qui exprime une terreur. Là, je me retourne, c'est toi, là, c'est ça. Et le résultat de tout cela est que tout que tu as pu apprécier comme repas finit. Sur le visage d'un Williamson, enfin d'un Williamson, d'un William... bon, heureusement que j'ai pas fait un jeu critique. D'un William terrifié. Peut-être savait-il que tu allais lui vomir dessus. Je ne sais pas. Ah, tu vomis en plus. Une folie. Vous voyez tous ces milieux vomir ses tripes sur le visage de William. Pas une un échec critique, s'il te plaît, me rajoute pas trop de trucs là. Si, si, oui, mais tu as pris de la scène puisque tu en as perdu 3. Donc, non, je parle avec Zen, t'inquiète. Voilà. Donc tu perds 3 points. Oui, parce que Zen, il veut des maladies mentales. Mais Emilio, arrête. Mais je sais pas pourquoi il met ça à chaque fois. J'en c'est parce que si t'en perds si 5 durant la même session, tu prends directement une folie persistante. Ah oui, lui, il arrête pas de... Il t'en a pas. Bah, ouais, non, mais... Si t'en perds 5, c'est vraiment... Tu prends une petite folie. Il en a pas perdu 5 pour l'instant. Mais je pense qu'il doit. Non. C'est un truc qu'il a jamais mis à jour. Enfin, qu'il a pas mis à zéro, je pense. Vu que je suis pas super calé en. Bon, qu'importe, en vrai, on sait qu'il est pas. Voilà, donc vous voyez quand même Emilio vomir ses tripes sur le visage de William. Et comme le dit Akinamna, aucun respect pour les morts. C'est oui, c'est oui, Emilio. Moi, je me... J'arrête de toucher. Je vais me mettre dans un coin. Je vais mettre dans un coin et j'arrête de parler. En fait, j'arrête qu'est-ce de que vous faites, du coup? Laisse faire. Moi, en fait, j'ai envie de me... Bah, d'aider Emilio, tu vois, genre... Vu que j'ai plus bien subi le choc, tu sais, vu qu'il vient de vomir, tout ça, genre, je lui tends un petit mouchoir et je l'aide à... Une petite tape dans le dos, quoi, je l'aide à s'en remettre. Si tu vomis, vomis là-dedans. c'est bon, je suis bien. Et je suis dans un coin de la pièce. D'accord. Donc j'imagine, c'est pas très beau à voir ce qu'il y a en haut. Non. Vous voyez d'ailleurs que sa chemise est déchirée. Et que. Il y a un bout qui a été arraché de la chemise. Et que il n'y a pas qu'un bout de la chemise qui a été arraché. Vous voyez qu'il y a un large morceau de la peau de son dos qui a aussi été découpé. Il était allongé sur le dos, le cadavre. Il était allongé sur le dos, oui. Mais vous voyez en fait en gros que le haut du dos, donc vous voyez que la chemise est arrachée et tu vois le haut de son dos qu'il manque un bout, quoi. Comme si t'as légèrement l'omoplate et l'épaule, tu vois. Tu devines que derrière il en manque un bout. Essaye pas de me mettre dans le. Moi, je vais essayer de chercher dans le reste de l'atelier, mais en bas. D'accord. Et vous, les autres, est-ce que vous continuez à chercher dans la pièce, enfin, à l'étage? Oui, oui, oui, il faut bien. Je vais mettre Gassard plutôt au rez-de-chaussée. Là, je vais l'accompagner à descendre. Pendant que Peter et Nelson redescendent l'escalier. Non. Non, j'aide Emilio à descendre, à se mettre au rez-de-chaussée pour qu'il soit loin du cadavre. Ah d'accord, mais Emilio, est-ce que tu veux redescendre tout en bas? Ou est-ce que tu veux faire autre chose? Je te laisse quand même choisir si tu veux descendre ou pas. tu descends ou je te descends? Oula, oula, oula. Ça se trouve, il est plus là. Il est là, Emilio? Oui, je suis là. Pardon. Il finissait de vomir. Ça, il y avait des morceaux qui restaient. Non, j'étais là. Mais en fait, juste, j'avais oublié que j'avais été mute. Ah, d'accord. Ça, non, mais moi, je l'ai dit, je reste dans un coin de la pièce. Tu descends pas, tu veux juste mettre dans un coin de l'étage. Ah oui, moi, je... D'accord. Du coup, tu, Nelson, tu peux rester avec Catherine, et je sais pas si tu l'aides avec Catherine à l'étage. Bah ouais. Pendant ce temps-là, vous voyez Peter qui redescend. Catherine et toi, Nelson, vous fouillez un petit peu la pièce et à un moment, vous tombez dans un recoin de... Enfin, dans ce qui ressemblerait, a priori, à une chambre, sur le corps inanimé de Edgar Willington. Vous voyez qu'il est allongé sur son lit. Et selon toute vraisemblance, il a l'air d'être mort. Dans quel état il est? Est-ce que lui aussi il manque des morceaux de peau, des trucs comme ça ou... Non, il est simplement question allongé. Anodine. Oui. Une question anodine. Tu lui manques des morceaux de peau? Parce que les couturières, elles peuvent le recoudre. Ah d'accord. Non. Ah. Il est simplement allongé. Vous ne voyez pas de blessure apparente sur son corps, mais... Voilà, donc est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous approchez Je vais voir pour le sculpter vite fait. Moi, je suis pas docteur, donc je vais voir extérieurement, physiquement, de quoi il aurait pu être mort. Donc, oui, c'est ça. Je vais juste dire à Peter que Peter, tu feras un peu le tour de... Puisque ils ne t'ont pas prévenu, mais tu feras un peu le tour et genre 10 minutes après, tu reviendras sans avoir trouvé quoi que ce soit de très intéressant et du moins sans avoir trouvé Edgar. Du coup, vous faites un petit peu le check-up du body, c'est ça? Ouais. Tu vas me faire un jet d'idées, s'il te plaît. Lui ou tous les deux? Tous les deux, si vous êtes tous les deux à côté du corps, faites-moi un jet d'idées. Trace de sang, voilà, succès majeur. Ouais, alors là, Nelson, tranquille. Pour une fois que j'ai des idées quelque part, merde. Alors, en ce qui concerne Catherine, tu franchement, tu as du mal c'est un cadavre. À savoir, voilà, pourquoi il est juste mort, mais comment, aucune idée. Ouais, en même temps, j'ai pas fait des études de médecine, hein. Moi j'ai... Par contre, Nelson... Et j'ai pas fait la guerre. Les études de cadavrologie. La façon dont t'es... Est mort Edgar, c'est quelque chose que tu as déjà vu, que tu as déjà connu de par certains de tes amis qui sont revenus de cette guerre et qu'ils n'ont pas du tout supporté le retour à la réalité et que pour beaucoup ont sombré dans la drogue. Et pour toi, tu es sûr et certain que c'est une overdose. Ah, ouais. D'ailleurs, en examinant son corps, tu trouves deux traces de piqûres assez récentes. Deux traces de seringue. au milieu de son bras gauche. C'est une chute d'héroïne, une chute de trop. Ah, Quand Nelson me dit ça, du coup, je regarde un peu autour du lit, voir s'il y a une seringue au sol, quitte à regarder même sous le lit. Tu fais un jet de toc, ouais, vas-y. Oui, j'adore le toc. J'adore toquer. Exactement, j'adore toquer. Voilà, ça va. Obsessionnel, compulsif. Effectivement, en regardant au niveau du lit, tu retrouves une bouteille vide de morphine. Ainsi qu'une seringue vide. Tu trouves également au niveau de sa main, dans sa main, qu'il tient à peine une petite bouteille verte, presque pleine, où tu peux lire absinthe. Donc une petite étiquette où tu peux lire dessus Lausanne onirique. Ok. Je présente ça à Nelson directement. Voilà. Ça te fait penser un petit peu à ces petits flacons de parfum qu'on peut avoir de temps à autre. Ah bah surtout avec ce nom-là. Voilà. L'onirique. Et tu vois que c'était dans sa main. C'est pas une bouteille d'alcool d'absinthe. C'est pas une bouteille d'alcool d'absinthe. Non. Non. Ni de la chartreuse. Enfin, en tout cas, voilà. Vous voyez qu'au bout d'un moment, il y a Peter qui remonte et qui vous découvre, du coup, avec Attends, le corps. Attends, je mets mon chapeau anti-santé mentale. Voilà, c'est bon, je peux faire le jet. Voilà, donc tu passes. Tu passes devant Edgar, mais bon, il n'est pas atrocement mutilé, donc tout va bien. Tu gères. Je vais pas vous faire un sort. Non, mais c'est. C'est Willington là. C'est le. Ah, mais tu l'as pas vu toi le. Mais non tu l'as pas vu, William? Non, c'est pour ça que je porte ça. Ah, on t'a pas présenté vas-y. William ah, mais bah, voyons. Bah, alors, du coup, tu passes devant William. On manque à toute nos politesses. 68. Le chapeau. Tu vas perdre également 3 points de santé mentale. Alors, tu vas défaillir. Quoi, j'ai réussi. Hein? Ah, mais t'as 70, toi! Ah, ouais, d'accord. Donc, bah, il avait quand même 78, l'autre. Oui. Mais t'es d'accord, quoi? Ok, non, autant pour moi. Non, j'ai pas fait attention. Autant pour moi. Mais je perds 3, je suis pas. Tu gères. What? T'as quand même un petit moment de. Tu vois, de recul. Parce que t'as fait 68 sur 70, quand même. N'exagérons pas, t'as pas géré ça à la perfection. Donc, t'as un petit moment de recul. Tu vois aussi le vomi là sur sa face, ce qui ajoute un peu à la scène surréaliste. Il est mort de vomi. Voilà. Il était là tout seul. Tu trébuches un petit peu, mais bon, au final, t'arrives quand même à gérer. Et tu vois du coup sur ton côté que Emilio se remet. Doucement, difficilement de ce qui vient de lui arriver, et que Catherine et Nelson sont autour d'un corps qui a l'air d'être celui de Edgar Wellington. Qu'est-ce que tu fais en arrivant à côté d'eux? Je vole la bouteille. Tu prends la bouteille de Lausanne? Non, je plaisante, mais. Je vais la boire. c'est de l'alcool. Voilà, donc, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de tirer les mêmes conclusions qu'eux, et puis je leur demande. Tu les vois qui cherchent à droite à gauche, ils sont tous là en train de checker. Ouais. Tu vois d'ailleurs Catherine qui a aussi un flacon de morphine vide. Et moi je cherche plutôt des lettres ou des documents. Bah, vas-y, je te laisse faire un petit jet de toc. J'allais dire, bah alors on fait pas tourner. Yes! J'ai réussi de. Franchement, t'as de la chance. Hein. Ouais. Tu fouilles un petit peu, tu trouves le journal d'Edgar qui est ouvert sur le sol. Tu trouves également un reçu. Ah. Qui est pas très loin. Et à un moment donné, tu te retournes et. Ce sera Catherine. C'est Catherine qui, au bout d'un moment, comme tu cherchais sous le lit, tu vas trouver un parchemin avec un seau, tu vois, en cire dessus, cacheté, donc encore enroulé, tu vois, et qui est, voilà, qui est fumé un petit peu, on a l'impression que c'est quelque chose de très ancien. Voilà. Eh bien, j'espère que c'est le parchemin qu'on cherche. Qu'est-ce que tu fais avec ce parchemin? Bah, j'ai pas très envie de l'ouvrir là tout de suite, entre un cadavre, du vomi et je sais pas trop quoi. Je signale bien entendu à mes amis que je l'ai eu, et je propose qu'on aille l'ouvrir en bas une fois qu'on a fini notre besogne à l'étage. Non, mais plutôt loin, pas qu'en bas, loin, pas loin. Oui, je suis d'accord. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Nelson? Je viens de communiquer avec elle, donc voilà. Je prends la bouteille. Je prends la bouteille. Bouteille. Voilà. C'est quoi ton très bonne idée? Très bonne idée. C'est trop une bonne idée. Je la bois. Pas soufflé de personne. Je la bois cul sec. Ah, attends, parce que du coup, je cherche des documents. J'aime bien, t'as des voix dans ta tête et c'est nous en fait qui te faisons des actions complètement random. Tu aurais pas rendu ça. Je la bois dans ma chaussure. Tu la verses dans la chaussure. Il va falloir que... Ça, c'est quoi, ça? Alors, est-ce que tu consultes le journal d'Edgar? Moi? Non, moi. Non, c'est Peter. Moi, j'ai un reçu et un journal, c'est ça? Ouais. Oui. Bah, je vais voir d'abord le reçu, c'est la plus simple. Attends, j'avais le journal juste avant moi. Bah, je peux... Tu sais, toi... Non, il faut que je... Il est où ce putain de reçu? Bah, en gros, le reçu, c'est de mémoire. C'est un reçu pour de la cire et des parchemins vierges. Voilà. Oh, le faussaire. Bah, il faisait des copies, il est pas con. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu veux savoir de... Est-ce que à ce moment-là... Bah, le journal, du coup. Alors, le journal. Je vais vous le lire parce que je ne l'ai pas trouvé dans les trucs. Ça, c'est un peu dommage, mais bon. Tu l'ouvres et tu tombes sur 3 novembre 1920. Ma famille aurait préféré que je meure au combat. Les héros morts sont plus convenables que des vivants brisés. 5 mars 1921. Nous voilà en Suisse. Ici... nous pouvons vivre en paix. Le 17 septembre 1921, la conversation du duc est sans pareil. Quand je l'écoute, j'oublie mes propres souvenirs. Le 10 novembre 1921, le duc m'a prêté des livres qui m'ont ouvert les yeux. Peut-être mon vieux parchemin arabe détient-il des mystères encore inconnus? Le 2 février 1922. J'ai reçu la traduction du parchemin de Malou. C'est un peu écrit bizarre. Je me demande si ce simulacre de Sedefkar existe. C'est pas Malon, du coup. Malon. Ah oui, le vieux de Malon. Je me demande si ce simulacre de Sedefkar existe encore. 25 juin 1922. La piste s'arrête en 1789. J'ai écrit au propriétaire de la maison du comte. Il faudrait que je me déplace, mais je ne peux pas laisser William seul. 3 octobre 1922, le duc m'a donné quelque chose pour mon insomnie. Mon sommeil a été profond et j'ai fait un rêve criant de vérité de la Lausanne des temps anciens. Le 12 novembre 1922, il y a 2 nuits, je tenais un bouton de laiton dans ma main en m'endormant. Et je l'ai posé par terre dans la Lausanne onirique. Quand je me suis réveillé, il n'était plus dans ma main. La nuit suivante, je l'ai ramassé dans mon rêve. Et je me suis réveillé en le tenant dans ma main. 1er janvier 1923. Je n'ai plus d'espoir en cette nouvelle année. Mes recherches ne mènent nulle part et bientôt mon penchant nous coûtera notre magasin. Où William va-t-il vivre ? 5 janvier 1923. Je crains de devoir vendre le parchemin. Le duc serait intéressé, mais j'ai besoin d'un autre enchérisseur pour faire monter le prix. Je l'ai caché dans la Lausanne onirique pour le protéger. Et vous voyez que ça date d'aujourd'hui. Victoire. Demain, je suis sûr de conclure la vente et nous allons prendre un nouveau départ. Et c'est la fin. Est-ce que tu le lis à haute voix à tout le monde ou c'est tu l'as lu pour toi-même ? Je leur montre et je leur dis voilà ce que j'ai quoi. Blablabla, les anonymes, je donne les éléments importants quoi. Les logs importants. Pendant ce temps-là, vous voyez que Emilio a quand même a fini par se remettre un petit peu. Il se rapproche de vous, même s'il est quand même très très pâle. Voilà. On part d'ici, Emilio. D'accord. Oui, partout. Je aussi. Ok. Donc là, vous avez toutes ces. Vous repartez avec tout ? Oui, bien sûr. Et la bouteille ? La bouteille ? Oui, on prend la bouteille. La bouteille. Que j'ai pas bu. Bande d'alcoolique. Et tu vas la boire, hein, à un moment. Et toi aussi, à un moment. Je suis pas très potion magique. Ça te dirait pas une petite balade onirique ? Enfin, t'es comédien. Hein. Bah, du coup, vous pouvez comprendre que, effectivement, si on suit les principes de ce qu'il y a écrit, même si ça paraît complètement inconcevable, mais bon, en même temps, n'avez-vous pas voyagé dans un monde parallèle il n'y a pas si longtemps que ça ? Non, mais c'est même pas vrai. En utilisant le liquide qui contient cette fiole, vous pourriez aller dans la Lausanne onirique. Ce sera peut-être la même chose que le train, vous imaginez ? Ouais. Est-ce que tu as envie d'y aller ? Mais en même temps, de ce que vous avez lu, il aurait caché le parchemin là-bas. Dans ma main. Enfin, j'ai un parchemin dans ma main et on va voir ce que c'est quand on sera en sécurité. Ouais. Voilà. Et en même temps, vous savez que vous en déduisez que toute chose laissée à un endroit dans la réalité restera au même endroit dans l'autre réalité. Donc je vous lance un jet. D'accord. Lancez-moi un jet d'idée. Non mais il faut le boire maintenant, ça veut dire. Non mais lancez-moi un jet d'idée. C'est ça. S'il vous plaît. Moi j'ai pas d'idée. Non mais moi, pour moi c'est 88 idée, les beaux gens. Qu'est-ce qu'on est cons en fait. On a tous séché. Alors, mes dés, ils ont roulé 17, mais le chiffre, le résultat, fantasygramme, c'est 60, j'ai raté. On a tous utilisé 5 points de chance pour réussir. Je peux utiliser 28 points de chance pour réussir. Comment ça ? Qui a 5 points de chance ? Non. Nelson. Ah ! Moi, je peux dépenser 5. Bah ouais, tant qu'à faire, je dépense les 5, histoire d'avoir une brillante. J'ai d'idées, quoi. Ouais. Dépense 5 points de chance, attends, c'est où ? Parce que je pense, en cas d'échec, on la boit et en fait, on va voir ce que c'est. Se passe. Ouais, moi je me dis que de toute façon on va nous retrouver le lendemain du ici. Du coup, aucun d'entre vous. Je dépense 5 points de chance pour réussir. D'accord. Du coup, aucun d'entre vous ne réalise tout ça, sauf Nelson qui, à un moment donné, fait m'écouter. De ce que j'ai compris, si on. On laisse quelque chose à un endroit dans la réalité, il sera au même endroit dans la réalité alternative. Donc, en gros, il vous fait comprendre que si Edgar a caché Le parchemin, il l'a caché dans sa boutique. Donc, il faut être dans sa boutique pour pouvoir retrouver dans le monde parchemin. Des rêves. Voilà. Ouais. Y a pas une arrière-boutique, une sorte de... Ah non, vous avez juste... Sa chambre. Il n'y a que le rez-de-chaussée, voilà. Le premier étage. Après, tu réalises que peut-être ce qu'a Catherine dans la main est peut-être une version du parchemin, mais une copie. Mais la version comment dire, onirique, la version réelle, mais que la vraie version est de l'autre côté. Mais du coup, si elle l'a trouvé sous le lit, peut-être que sous le lit, il y aura... Enfin, du moins, c'est ton sentiment. Ça vous dit un trip dans le monde des rêves, les amis? Morphée, embarque-moi dans ton monde onirique. Et je suis d'accord, mais on ne sait pas combien de temps ça peut durer, cette traversée. Et t'imagines si on nous retrouve là? C'est comment on va revenir, hein. C'est pas juste en voulant se réveiller qu'on va se réveiller. Après, Peter, tu as fermé la porte. Bon, allez, go. On va se faire une shoot. C'est une shoot partie. Ouais, qui fait quoi? Vas-y, je vous laisse. Qui commence? Ben, moi, j'ai eu l'idée. Moi, je montre l'exemple. Alors, tu débouches le truc, et au moment où, en fait, tu approches la fiole de ton nez, quasiment juste au niveau du nez, vous voyez tous Nelson, je jure, qui commence à tituber et qui tombe en arrière. Et je sais pas, l'un de vous a le temps de lui choper la main pour pas que ça se renverse. Alors oui, c'était très bête. De lui choper la fiole, surtout. Il le pousse, il chope la fiole. et Nelson qui s'effondre par terre. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Allez, bonne chance, Nelson. On se revoit de l'autre côté. Oh putain, ils m'ont laissé en plan. Je lance l'outro. Parfois on m'entend pas, ou je sais pas, c'est bizarre. Bon. Non, c'est juste on avait pas envie de te répondre. Mais de toute façon, t'étais nauséeux, t'avais non, pas non, non, mais à la toute fin, oui, non, mais je veux dire, à la toute fin, juste si on y va, pour moi, on va se réveiller le lendemain, la marée chaussée va arriver et va nous voir juste là avec les deux cadavres. Hein. C'est voilà. Trop bien. Mais attendez, pourquoi partout où vous êtes, il y a des cadavres, putain. Oui, il y a ça. Là, pour l'instant, il y en a qu'un seul qui est tombé. Vous êtes encore trois à pouvoir faire quelque chose. Ouais, on peut encore le MJ ne t'a rien dit. On peut laisser Nelson là. On prend le corps de Nelson, on le ramène. Mais non, parce que comme si tu changes un truc dans un réalité, tout ça là, parce que là je suis un peu fatigué, désolé, mais la phrase là, si on bouge Nelson, est-ce qu'il bouge dans la réalité alternative? Non, je pense que tu vois, ils sont liés, le corps et l'esprit sont liés. Ouais. Ouais, et bah, du coup, si jamais il revient au bout d'un moment, il va retourner directement dans son corps. Non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que. Et vous êtes même là pour chercher la règle là, qu'il a répété 650 fois, c'est que si tu bouges un objet dans notre réalité, ça bouge l'objet dans la réalité alternative. Oui, mais c'est pas un objet là, c'est une âme. Oui, mais on bouge que son corps. C'est une chose matérielle. Est-ce qu'en bougeant son corps, il va pas faire vroup? Je pense pas, parce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on bouge en même temps son corps et en même temps pour qu'il bouge en même temps dans l'autre monde. Oui, mais en même temps, vous êtes là pour essayer de récupérer le parchemin qui... Oui, non, mais je dis... Pour moi, quand tu vas dans ce monde-là, tu voyages et donc pas besoin. Enfin, après, l'être humain est libre. Oui, comme dit Akinana. Ah, Akinana, il y a qu'un moyen de savoir. Mais pour moi, si on peut être libre de ces mouvements dans ce monde-là, eh ben, pendant notre rêve, ben, si tu dors, en fait, tu peux pas bouger. Même si tu. Enfin, c'est de la projection astrale, pour toi, c'est clair. Ça qui vient. Non, mais si, je vois ce que tu veux dire. Bah, de toute façon, un objet par essence est inerte. Donc, si tu laisses un objet inerte à un endroit, lui, il peut pas bouger, donc il restera au même endroit. C'est sûr qu'un corps, lui, c'est différent, puisque lui peut se déplacer. Voilà. Donc, après, vous. En fait, en gros, c'est quelque chose que vous maîtrisez pas, parce que c'est pas une science. C'est pas. Voilà. Donc, tu. Même t'as ton raisonnement, toi, Emilio. Je veux dire, ça ne peut être que le raisonnement de... Je comprends pas, parce que j'ai 90 en mythe de Cthulhu. Et voilà, Gassard a ce raisonnement, Emilio pas forcément. Oui, je sais. Bah, voilà. Au bout d'un moment, il faut bien que tu fasses le raisonnement. Et puis après, en même temps, il faut que tu te dises que Emilio sort d'un traumatisme de malade. Je sais. Après, traumatisme de malade... Il a pas fait un échec critique. Non, il a pas fait un échec critique, mais il a pris de la. Faut pas m'endosser le truc en mode. Mais tu peux pas ne dire que tu. Ah non, bien sûr. Gerber comme un ouf et arriver et faire. Écoutez les gars, bon alors maintenant c'est bon, j'ai fait mon petit vomi, je gère, il y a pas de problème. non, mais c'est justement pour ça qu'en fait il est super sur ses gardes et qu'il veut pas rester là en fait, Emilio. Oui. Mais après ça va être aux deux autres de le rassurer, de voilà. Après, il y a des choses que vous pouvez faire aussi pour faire en sorte d'être tranquille. Mais après, est-ce que vous allez y penser? Tue Emilio, il aura plus de folie. Moi, je vais y aller. Ok. J'ai des choses très importantes à faire là. Il n'y a pas de problème. En tout cas, bah, merci. Je salue le chat. Voilà, bah, on dit au revoir à Axel. Au revoir à tout le monde. Et au revoir à tout le monde aussi. Ouais. Même si je vois pas les photos, en fait je vois pas depuis tout à l'heure Catherine et Emilio. Ouais. Pareil pour moi. Pareil. Pas sur Grim truc. Bye, ciao. Salut Glenn. Ciao. Enfin, en tout cas bah, pour vous qui restez, Catherine, enfin Grenadine, Oxyde et Gassard, j'espère que ça a été, même si c'est vrai que le début a été un peu compliqué du fait des problèmes techniques. Ça m'a un peu perturbé, honnêtement, j'avoue. Donc c'était un peu plus haché, un peu plus... Pas de ta faute. Hein. Oui, mais bon, ça perturbe au niveau du process de mastering, si tu veux. J'étais pas très à l'aise parce que j'étais à la fois concentré sur un autre truc en même temps, ce qui n'est pas forcément... Ouais, t'as bien géré les deux en même temps, en tout. Bah du coup, j'ai essayé au mieux. T'as géré le stress, hein. Bah écoute, si vous ça va, moi ça va. Enfin, vous êtes le plus important, non, va, c'est ouais. Vous. Si la session s'est dans l'ensemble bien passée pour vous, alors je suis content. C'était une très bonne session. Bon bah ça va. Cool. Et vous les gens, du live, qu'est-ce que vous en avez pensé malgré les petits soucis techniques? Et vous les gens du clavier? Voilà. Ah, c'est vrai que on préfère quand tout se place sans accro, comme dirait un acteur célèbre, enfin un personnage célèbre. C'était comme cool. Dirait tout. Bon, ça va. Comme dirait tout le monde, on va dire. Bah, j'aime quand un plan se déroule sans accro. Sauf que là, il y a eu quelques accrochages. Un monsieur qui aime le cigare. Eh bien oui, mais après c'est vrai que c'est plus de mon âge, on va dire, l'agence touristique. Mais non, mais ça parle. Ah, ça parle. Magnum, putain. Mais non, pas oui. Magnum, l'agence touristique. Ah ouais, comment il s'appelle? C'est pas Hannibal? Peut-être. C'est pas lui qui me dit. Non, c'est pas lui, c'est... Si, c'est Hannibal. C'est Hannibal. C'est Hannibal. Le vieux. Bah, il s'appelle. C'est Hannibal le vieux. Ah oui, non, l'autre, c'est looping. Bah, looping, c'est... Oui, non, mais... Ouais, non, mais je crois que looping, c'est un cannibale. Looping, c'est son gros débile, mais il sauve plus d'une fois la mise à toute la bande. Ah, mais t'as pas joué dedans, toi. Non, c'est... Enfin, en tout cas, voilà. Donc, Alors, attends, en vrai, comme je disais tout au début, un live JDR sans problème technique, c'est pas un vrai live JDR. Et Alf nous dit bonne ambiance. Je vais vous le prouver. Voilà. Ouais, looping, c'est clairement mon préféré. Non, mais je pense que c'est le préféré de beaucoup de monde en vrai, Looping. Après, il y a aussi Mr. T, ouais, voilà, qui flippe à chaque fois que tu l'emmènes en avion ou en hélicoptère. Et puis t'as le quatrième bonhomme que tout le monde, personne connaît. Bah, Futé. Futé le beau gosse. Futé. Futé, ouais. On l'appelle Futé entre nous, mais. Enfin, en tout cas, c'est super cool. Moi, je sais que toi, Grenadine, tu commences à tomber. Hein, on le voit. On le devine. Ouais. Donc, si tu veux y aller, n'hésite pas. Hein, nous ne te retiendrons pas. Ouais, juste avant d'y aller. Oui. Du coup, je te fais un peu les annonces que on a été bombardé de notifications pendant la session. Ah. Du coup, il n'y a pas de Genesis lundi. Ah mince. Ok. Et à la place, du coup, c'est une session d'écrime. C'est-à-dire qu'on va peut-être enchaîner 2-3 sessions d'affilée là d'écrime. Ok. Et du coup, la demande que j'avais faite pour la prochaine session qui était censée être dans la semaine donc, d'après. Ce sera pour lundi, quoi. Ouais, c'est pour ce lundi-là, donc du coup, faut y penser de manière très active, parce que finalement, c'est pas, enfin, c'est demain, enfin, c'est dans 2 jours, en vrai. D'accord. Mais voilà. Okay, voilà, voilà. Bah, c'était juste pour te prévenir de ça. Je m'en occuperai. Et voilà, après, j'étais très fatigué aujourd'hui, mais comme j'ai sorti d'une journée de casting, c'est fatigant. Il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir te reposer tranquille maintenant. Du coup, tu me prends moi, c'est ça, pour le premier rôle. De quoi? Du coup, pas canapé toute la journée. Donc, prends-moi pour le premier rôle. Bah, écoute, pourquoi pas? Parfait. Ouais. De toute façon, moi, là, j'ai rien à faire ces prochaines semaines. Quelles sont tes disponibilités? Ces prochaines semaines, je suis libre comme l'air. Quelles sont tes disponibilités sur Toulouse? Je prends un train, ça, c'est pas. Je profite, pendant que tu es encore là, Catherine, Grenadine. Oui. Parce que après, je sais plus comment t'appeler, à force. Je t'appelle Catherine, je t'appelle Grenadine, je sais pas. Jeudi, qui arrive. Oui. Pardon, j'ai remarqué, mais il y a une faute à Catherine, c'est avec un K. Ah mince, je l'ai fait à la française. Mais je suis presque sûr qu'elle y était pas il y a un moment. Hein. Je sais pas, peut-être. Non, non, elle a toujours été. C'était toujours C, hein. Bon, officiellement, j'ai changé ma fiche perso pour dire que c'est un C, du coup. Mais bref, oui, jeudi. Jeudi, pour tout le monde, et pour vous, surtout les viewers. Donc, le 19, nous faisons le premier débat, enfin, le premier format de débat live sur la chaîne. On sera pas mal, il y aura donc Olshad qui sera aux manettes de cette soirée débat. On sera nombreux, du coup ce qu'on fera c'est que ce sera de 21h à 23h, donc 2 heures de débat sur le sujet qui n'est autre que les règles sont-elles importantes ? Vaste, il y a de quoi dire. Hein. Donc Olshad sera le maître de cérémonie, c'est lui qui va gérer un peu tout ce beau monde. Et donc nous aurons à peu près deux groupes. Un groupe qui fera 21h-22h et un autre groupe qui fera 22-23 parce que bon, on peut pas prendre tout le monde d'un coup, sinon ça va être la cohue, ça va être trop compliqué. Mais voilà, donc si vous êtes là jeudi soir à partir de 21h, n'hésitez pas à nous rejoindre et en parler autour de vous. Une soirée débat, c'est vrai que ça se fait pas beaucoup. C'est pas souvent qu'on a du débat sur le JDR. Oui, le code de la route est-il important? Bah, je crois pas, je pense pas. Mais voilà, donc on espère que vous serez là et puis que vous passerez le message à tous vos amis, tous ceux qui regardent les JDR pour venir nous voir. Voilà, c'était mon petit message. Et d'ailleurs, Grenadine, tu seras avec nous normalement, jeudi. Si tout va bien. Oui. C'est la raison pour laquelle j'y serai pas. Après, vous semblez organisé, mais si vraiment il y a trop de monde, bah tant pis. Hein. Moi, je... Non, mais là, on est vraiment parti sur du groupe, puisque en fait, on est sur des sessions de 6 personnes, dont Olshad, qui lui est inamovible. Donc, en gros, 5 débatteurs et un. Animateur. Un animateur, là exactement. Ouais, ça va. Et ensuite, et bah, du coup, il y a l'équipe 2 qui arrive une heure après et qui prend la suite du débat pour peut-être des idées différentes. Ouais, bah écoute. Ce truc, c'est que. Ouais, faudrait peut-être voir. Ouais, justement, qu'il n'y a pas un effet de répétition pour les viewers, mais sinon. Oui, bah après, on essaiera de voir aussi. Après, c'est la première fois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde qui veuille participer dans les débatteurs qu'on a. Et comme c'était la première, on voulait pas trop dire non. Et bon, voilà, les gens ils sont motivés. Faut les garder un peu sous la main. Et par la suite, je pense qu'on fera en sorte que les gens choisissent les sujets qui les intéressent et après qu'on répartisse en groupe. Un groupe pour que cette fois-ci il reste du début jusqu'à la fin, mais voilà. Mais là, c'était la première. On voulait pas dire non aux gens, ils sont dans une dynamique de participer, donc voilà. C'est enfin, en tout cas, voilà. J'espère que vous serez là, les gens. On espère que vous serez avec nous. Voilà, voilà. Bon, bah, sinon. J'ai essayé, moi, de moins regarder ça. Mais j'ai envie de dire, ça dépend. Pour voilà. Comment ça dépend? Les réponses, la réponse, ça dépend. C'est comme, tu vois, je réponds juste oui ou non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire ça. Oh, vous m'inviterez. Ça dépend, ça dépasse. Ok. bon, du coup, moi, je vais vous laisser. Et mais bien, bonne nuit à toi. Bah écoutez, je pense qu'on va arrêter le live maintenant parce que bon, je pense que tout le monde a discuté. En tout cas, merci d'être resté avec nous jusqu'à ce moment. Et on se retrouve peut-être vendredi dans 2 semaines, si tout va bien. Exceptionnellement, ouais. Parce que samedi je ne pourrai pas dans 2 semaines, donc c'est le 28, je crois. Donc c'est le 27. Ouais. Le vendredi 27, que je travaille le 28 de nuit, donc on verra. Moi, je te tiens au courant parce que ça va être les dates de mon tournage. De ton tournage, ok. Moi, c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation dans le prochain épisode parce que je savais pas. Après, à la limite, si vous le faites le 27, tu peux le faire sans moi. Oh, tu vas louper la Lausanne onirique, ce serait triste. Mais bon. Ok, bon, on verra, on verra comment ça se passe. Mais bon, ce sera, ce sera vendredi, hein, le vendredi 27. Voilà les gens. Voilà. Écoutez, on vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Et puis, nuit. À jeudi pour ceux qui seront là. Nombreux, j'espère. Voilà. C'est jeudi ton débat. Okay. C'est jeudi, ouais, jeudi qui arrive là. Okay. En plein coronavirus, on fera peut-être une parenthèse là-dessus. on va peut-être tousser entre nous. Et... C'est ça. Et je pense que je parlerai un petit peu aussi d'une convention qui est en train de se mettre en place. Une convention virtuelle pour pallier aux conventions IRL qui s'annulent les unes après les autres. Donc là, on est en train de monter ça aussi avec plein de créateurs. Intéressant. Voilà. Mais écoutez, bonne nuit à vous. À jeudi pour ceux qui seront là, et puis sinon bon week-end, reposez-vous bien, regardez plein de JDR, et voilà, écoutez, salut à vous, ciao, des bisous, bisous, au revoir.